c'est fini pour ce soir. Rendez-vous dès demain, 20h sur Fun Radio. Doc, je sais pas si t'as remarqué, mais pendant l'émission, à un moment donné, il y a l'équipe de Mickaël qui est rentrée. Oui, et j'ai vu qu'il y avait des boissons colorées qui rentraient. Des bonnes boissons. Salut Mickaël. Avec des morceaux de citron. Sympa les mecs d'avoir pensé à Karel. Hein, attends, mais viens si tu veux, là, je t'en ferai moi le mojito, là, si tu veux, ouais, pas de problème. Ah, ça s'appelle un mojito. Il est jaloux, ouais. Tu sais pas à quel point. Mais non, il a pas eu le sien, il est jaloux. Écoute, je vais lui en mettre une dose de mal, moi, tu vas voir. Avec la route que j'ai à faire, c'est génial. Je me suis fait arrêter par les flics, hein, déjà. Ils t'ont gardé? Je pensais que j'étais dedans, mais c'était bon. Mais je t'en ferai un vierge. Super, écoute. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et pour le doc aussi, j'en fais un, mais sans alcool. Merci. Avec plaisir, doc. Et voilà, je mettrai un peu de café dedans, ça va être très bon. et sa sucrète, n'oublie pas sa sucrète. Ah bah t'inquiète pas, il y a de la sucrète dedans avec le sucre de canne. T'inquiète pas, il est là, il n'y a pas de problème. Bah c'est parti. Bon, bah retour de Lovin Fun demain, alors, en pleine forme. Ah bah, et Karima, elle va être en pleine forme. Je risque de faire une apparition dans ton émission ce soir. Ouais, bah si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai encore ce qu'il faut. Hein. T'inquiète pas, là, je vais faire pour la soirée. Moi, je fais barman ce soir, 20 rue Bayard, si vous voulez passer nous voir. Voilà pourquoi elle va te voir. T'inquiète pas. Le doc, il a tout compris. Hein. Il faut pas chercher plus loin. Il a tout compris directement. Quel talent, ce doc. Bah oui. Bon, bah bonne soirée à vous, en tout cas. Et rencard demain. À demain. Dès 20h. Ciao. Ciao. 23h, 2h. Connard, essaie de rappeler, je te bute. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Hein. Dites-nous d'ailleurs comment elle s'est passée votre journée. Il y en a qui sont rentrés là. Aujourd'hui, hein. Il y en a qui sont rentrés. Et puis il y en a qui vont rentrer demain, puis d'autres après-demain, et ainsi de suite, évidemment. Et depuis une semaine, je vous rappelle qu'on a deux semaines maintenant d'ailleurs. Hein, on a changé l'horaire là, 23h, 2h maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je me présente hein, donc à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de débarquer. Moi c'est Mickaël. Voilà, là la diva du standard. C'est Sandro qui est là, qui chante, hein, qui essaye en tout cas. Hein. Ouais c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez la voir d'ailleurs hein, sur la photo. Là, je viens de la mettre sur le photo, sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas. Si vous avez envie de venir délirer avec nous, si vous voulez prendre le contrôle de Fun, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0. Et puis elle vous passe à l'antenne. Hein, donc le 02 851 4x0, c'est pour la Belgique évidemment. Donc elle vous passe à l'antenne, il n'y a pas de problème. Alors j'ai aussi cette grande star évidemment qui est Toff ce soir. Hein. Grande star évidemment, le roi de la mobilette. Le grand roi de la mobilette. Voilà, donc ça c'est Toff quand il imite une mobilette, donc autant vous dire que c'est... C'est de la merde. Et donc Toff qui n'est jamais à l'heure malgré sa grosse cylindrée, hein, comme vous avez pu l'entendre. Mais aujourd'hui je sais enfin pourquoi. Alors si vous aussi vous avez des potes qui sont toujours en retard, bah, restez bien là. J'ai l'explication, mais on va en reparler dans quelques instants. Alors le dernier de la bande évidemment c'est Polo hein, qui a refusé d'aller jouer du pipeau sur la tournée de David Guetta, je comprends pas. Voilà. Bah, apparemment ce serait pour être avec nous, donc c'est bon, ça fait plaisir. Je suis comme ça, moi voilà. Je vous aime. Et ouais, tous les soirs vous pouvez profiter évidemment. C'est pas vrai. Vous pouvez profiter de son seul hit évidemment, c'est ça. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Alors on y va, qu'est-ce qui est mauvais. Quel talent. Merci. Quel talent. Et puis aujourd'hui c'est lundi. Et vous savez, le lundi il se passe quoi? Eh bien le lundi c'est... S'il y en a un qui me sort ravioli, je lui pète. Ah bah ça y est. Sandro, tu peux le taper. Non, vas-y. Si, vas-y. Moi j'y vais. Bah alors Polo, vas-y, tu peux le taper, c'est pour moi. C'est pour... Attends, j'enlève le son là. Là, vas-y, là. Où tu veux. Aïe. C'est parfait, voilà. J'avais dit, le premier qui dit ravioli, il prend cher, mais il a pris cher, voilà. Taper dans sa salle, gueule. Et donc, je disais qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais lui mettre un coup de lance-flamme, tiens. Vas-y. Ça fait du bien de brûler la gueule. Voilà. Et donc aujourd'hui, je disais, c'est lundi. Donc le lundi, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Chéri, je peux te faire cocu de la semaine dernière, c'était celui-là. Tu vas revenir, je vais te péter ta gueule, je vais te préparer tes affaires et tu vas dégager. Tu te mets, tu tes parents et puis là, tu te comme une couleur et j'entends une grosse pute en train de parler derrière toi et en plus, elle prend le téléphone. Mais c'est qui ça? Hein, ouais, justement ouais. C'est qui ça? Bah justement, vous en saurez plus tout à l'heure avec un nouveau chéri, je peux te faire cocu. Alors j'espère qu'il sera bon, évidemment, hein, le chéri, je peux te faire cocu. Donc si vous voulez participer, bah appelez Sandro tout de suite, 0. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y avait pas mal de cadeaux ce soir aussi, j'en parlerai d'ici quelques instants. Venez aussi nous dire si vous mangez à la cantine de votre bahut par exemple, parce que apparemment, selon une étude qui vient de sortir, une cantine sur 3 est limite niveau hygiène. Ouais. On a mangé à la cantine tout à l'heure. Ouais, effectivement, c'est et pour c'est ça moi espèce de porc là. Oh putain, Toff, il a bouffé un pied de porc. Devant nous, c'était bon, un pied de cochon. J'ai mis la photo sur le Facebook et l'Instagram et le Twitter d'ailleurs, allez voir hein. facebook.com/mikaelofficiel ou alors vous tapez mikaelofficiel sur Twitter et Instagram. C'était juste à vomir. Super bon. Non, à vomir, juste à voir cette espèce de pied de cochon. Qu'est-ce que j'ai bien mangé ? Dégueulasse. Là, bon, et en attendant donc justement, ah oui, donc je disais par rapport donc il y en a une sur trois qui est limite au niveau d'hygiène. Donc si vous avez déjà eu des petits trucs bizarres un peu dans votre assiette, là venez nous en parler quand vous avez été à la cantine de votre boulot ou de votre bahut, n'hésitez pas 01 42 48 5000, prenez le contrôle et pour la Belgique 02 851 4x0. Tiens, il y a message de Lesbi Freaks qui dit je déteste les gens en retard. Il y a Pierre aussi sur le Twitter qui dit un petit coup de marteau piqueur sur la tête de Toff en début d'émission comme ça là. Ah ouais ouais, tout de suite, on attend pas pour un peu. Moi, j'adore cette expression. Bon allez d'accord, allez. Voilà. On lui refait la gueule. Tous les soirs on y travaille. Tous les soirs on y travaille dur. Peut-être qu'à la fin de l'année, voilà, on va réussir à faire quelque chose. Bah peut-être ouais. C'est comme une statue, si on est obligé de la tailler. Enfin, il y a un moment, il faudrait que t'appelles Bouygues ou un truc dans le genre. Oh, pas de marque. T'inquiète pas. On sait faire, nous. Attends, je vais l'achever, là. Voilà, parfait, avec le coup de pelle dans la gueule, comme ça, au moins, elle est tranquille. Bon, en attendant, il y a qui au standard? Il y a Anthony qui est avec nous, là. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. T'appelles pourquoi, dis-moi, toi? Ben, en fait, je voudrais avoir une copine, en fait, c'est pour ça. Ouais, comme tout le monde, hein. Eh ben, écoute, on va en acheter une, on va aller sur eBay. Voilà, Toff est dans le même problème, il aimerait aussi avoir une meuf, mais bon, c'est... Ah ouais, mais faut il en veut, le truc, c'est qu'il en veut même pas aux filles, hein. Il non. en veut la nature. Oui, ouais. Je... ouais. Tout simplement. Pendant un temps, j'en voulais à ma mère, puis j'ai arrêté. Bah, la c'est pauvre dame. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Elle est gentille, maman. Écoute, je ne comprends pas. Elle est gentille comme tout, sa mère. Oui, chalcon. Mais ça va, le quartier vrai. Où j'ai emménagé cette semaine est assez parce que Toff change de quartier toutes les semaines, il faut le savoir. Vous savez, comme je vis sous les ponts, j'en ai fait un peu. Mais oui, la vérité, vous voulez la vérité? Il fuit ses maîtresses. Ouais. Voilà. Il a des pensions alimentaires. Exactement. Ouais. Et donc là, j'ai emménagé dans un quartier qui est voilà. C'est tout ce que tu mérites. Plein de charmantes jeunes filles qui veulent bien dormir avec moi, mais pour de l'argent. Mais oui, ah bah oui, c'est ça. Et t'es quoi? T'es dans le bois de Boulogne ou quoi? Non, je suis à Belleville. Et c'est où? Belleville. Bah ouais. C'est un quartier de Paris, à côté du Père Lachaise. Et les putes. Et oui, mais seulement asiatique. Ah bah écoute, c'est un billet, tant mieux. Bon bah Anthony, reste avec nous, on va essayer de te trouver quelqu'un là. On va essayer d'en parler en tout cas dans un instant. Bouge pas, il y a Nicolas également là, Saint-Etienne. Salut Stéphanois, comment il va? Ça va très bien, ouais, et vous? Bah nous on va plutôt bien là, hein. T'appelles pourquoi, dis-moi? Bah voilà, j'ai un petit souci, c'est que ma copine elle veut pas me faire fellation. Ah oui, c'est emmerdant ça. Bah écoute, on va en parler dans un instant, hein, si tu veux, pas de problème. On vient dans Nico. Mon quartier et on peut arranger ça. Oui, oui, voilà, c'est ça aussi, ouais. Bon, il y a aussi Amandine qui est avec nous dans le Nord. Salut Amandine, comment ça va? Salut. En forme? Ça va. Bon, t'appelles ça pourquoi, va. Dis-moi, bon, Amandine. Oui, donc en fait moi j'appelle parce que ma copine et moi on a un kiff sur le même garçon et en fait on voudrait un plan cul. Ah, ta copine, donc tu aimes les femmes, qui aiment les femmes? Moi j'aime les femmes et les hommes. D'accord, donc oui, très bien, bah écoute, on en parlera, Amandine, hein, bouge pas de là alors, d'accord? D'accord. Bon, bah reste là, et puis on écoutera aussi du son avec le son de Carolina Marquez. Tiens, bah Amandine. Oui. Amandine, t'aimes bien toi Carolina Marquez ou pas? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu préfères, Avicii? Non. Non, d'accord, ok, ou alors Robin Thicke? Non. D'accord, ok, alors Lady Gaga? Non plus. Non plus, alors le morceau que j'aime pour l'instant là énormément, c'est le Showtake. Oui. Ah, bouillard. On se le mettra tout à l'heure. Hein. Si vous voulez l'entendre encore une fois, plusieurs fois comme hier, là, n'hésitez pas. Et comme jeudi aussi d'ailleurs, jeudi dernier, vous mettez le hashtag Mikael. Et puis si vous voulez entendre un son en particulier, surtout n'hésitez pas. Je vous les cale tout à l'heure avant 2h. Ah, Showtake que je vous avais fait découvrir qui est plutôt pas mal. Hein. Bon, bah, on te reprend tout à l'heure, Amandine, d'accord? Bah, tout à l'heure. Bon, bah, bouge pas de là, Amandine. Et puis on a aussi Brian qui est avec nous là. Ça va, Brian? Oui, ça va. Bon, t'appelles pourquoi toi, dis-moi, Brian? En fait, j'appelle parce que j'ai mon pote, en fait, je sais pas si c'est un PD ou pas, en fait. D'accord, très bien. Donc, en gros, quoi, il te fait les avances, c'est ça, le truc? Je peux utiliser ouais, le terme. Grande classe. Ah là, il est trop bizarre. Il est trop bizarre, donc il est derrière ton cul, en fait, c'est ça? Disons ça, voilà. Bon bah écoute, très bien, bah écoute, on va en parler dans un instant là, reste avec nous, surtout bouge pas de là, Brian. Bon, et si vous aussi, tiens, si vous avez déjà eu le cas, peut-être, on sait jamais, hein, de sortir avec, je sais pas moi, enfin d'être avec pote, avec avec un de vos potes en l'occurrence, et qui, bah, il a changé de bord et donc du coup il est derrière vous, comment ça se passe, venez nous en parler. On offrira également ce soir là pas mal de choses. J'ai aussi des stages de pilotage là, si vous voulez aller faire un truc de ouf, cool, sur circuit avec des, genre des Ferrari, tout ça, je vous offrirai ça tout à l'heure. J'ai des PS3 également vous offrir également tout à l'heure, des iPod Nano, les packs fun également, et puis tous les messages qui arrivent. Bienvenue à tout le monde d'ailleurs, hein, sur le Facebook et le Twitter. Il y a Alexis qui dit le seul truc qui te... qui... Attends, c'est quoi qui est bizarre? C'est la bouffe, elle est dégueulasse. Ah oui, ça c'est par rapport à la cantine. Ouais. Il y a Al-Enko qui dit à la cantine, je me souviens des patates jaunes fluo. Ouais, quand c'est fluo en général, c'est plutôt mauvais signe. De Fukushima en fait. Ouais, et Clément qui dit, moi à la cantine, j'ai trouvé un ver de terre dans ma pomme. Oh. Sympathique. Note, c'est naturel. Oui. Faut voir le bon côté des choses quoi. Oui, oui. Et il y a Hélène qui dit, une fois j'ai retrouvé quoi, une mouche dans mon gâteau au chocolat. Réfectoire du bahut. Enfin dans le réfectoire du bahut. Bon, on en parle ce soir là. Mettez tous vos messages, n'hésitez pas. Ça fonctionne également par SMS. Il suffit simplement d'envoyer Mickaël et votre message au 64 900. Et pareil aussi, Mickaël et votre message au 3044 pour la Belgique. On aura la colle tout à l'heure bien sûr. Le chéri, je peux te faire cocu. Bref, du lourd ce soir. Ah ouais, putain, il fallait que je vous parle d'un truc aussi. J'ai mis une vidéo là sur... Enfin, je vais la mettre là dans 30 secondes. Une vidéo sur le Facebook d'un mec qui se prend... Alors, comment vous expliquer? En fait, il se fait avoir par un pote et il se prend... Il se fait niquer deux fois en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mec qui lui fait une vanne. Ouais. Et le mec, en fait, il veut s'énerver. Et au moment où il s'énerve, il se prend une deuxième claque en pleine gueule. Mais quand je dis claque, c'est pas genre une claque, ouais, hein, ouais. Mais genre, il se prend un deuxième scud en pleine tronche. Je vais vous mettre la vidéo dans un instant, vous me direz. Hein. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. On fait ça dans un instant. Et puis, on va se faire le son de Carolina Marquez aussi dans un instant sur Fun Radio. Carolina Marquez avec Sing La La La sur Fun. Voilà, c'est le son d'Explore the Fun qui arrivera tout à l'heure, là, restez bien sur Fun Radio. Et puis si vous avez envie de choisir un son ce soir, on est là jusqu'à 2h du mat, et ben profitez-en, vous êtes chez vous, faites péter les messages, hein, vous tapez le hashtag Mickaël sur Twitter, et puis vous laissez le son que vous avez envie d'entendre. On l'écoutera avant minuit, en tout cas avant 2h du mat, à coup sûr. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio. Je vous rappelle donc que vous pouvez aussi venir nous rejoindre, hein, si vous voulez, sur le Twitter de l'émission, le Twitter et l'Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel si vous voulez venir nous rejoindre. Et puis si vous nous rejoignez, eh ben, je vous rejoindrai également. Hein. Si vous me faites un follow, ben, je vous fais un follow également sur le Twitter et sur l'Instagram également. On va saluer tous ceux qui sont connectés ce soir également sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/Mickaël officiel. Je vous mets la vidéo dont je vous parlais, hein, d'ici quelques instants sur Fun Radio. Bah, le temps d'écouter Carolina Marquez dans quelques instants. Et puis on salue ceux qui sont connectés. Il y a Greg qui est là également. Il y a Mathias, il y a Arthur, il y a Juke 1414. Il y a Franck également. Il y a Florent. Il y a Felipe qui est là aussi ce soir. Thibaut, Mika, etc., etc. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas. En plus, c'est soirée Morito ce soir à la radio. Donc je fais barman. Donc si vous voulez voir les premières photos, là, on va les mettre dans un instant. Il y en a déjà une avec Polo et avec Sandro. Donc vous pouvez aller venir nous rejoindre. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Bonne soirée avec Fun Radio. Dans un instant, eh ben, le retour avec Brian. Et on fera le chéri, je peux te faire cocu bien sûr. Le temps d'écouter maintenant le son promis juste avant la pub. Carolina Marquez tout de suite sur Fun Radio. Sing La La La, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h. C'est Fun Radio, allez, bonne soirée tout le monde là. Mickaël No Limit, 23h jusqu'à 2h du lundi au jeudi. On est en direct sur Fun Radio, bougez pas de là. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Eh ben, il suffit d'appeler pour venir prendre le contrôle. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis demain, c'est la rentrée là. Bon courage tout le monde déjà. Hein, pour ceux qui vont démarrer au niveau de la rentrée, qu'est-ce que... Bon, déjà, si vous êtes prêts. Parce que moi personnellement, quand j'y allais, tu veux comment t'expliquer que j'y allais en général, alors j'avais en général une feuille que j'avais pliée en quatre, histoire que ça prenne pas trop de place. J'avais mon stylo dans ma poche et j'arrivais là sans sac, c'est sans sac à dos, sans rien. Non. En fait, j'arrivais en mode touriste, tu vois, je me dis bon, ah, c'est la fin des vacances, ça va. J'ai eu un sac à dos pendant les vacances, tu vois, parce que j'étais en vacances, donc c'est pas pour avoir un sac à dos pendant l'année. Donc j'arrivais en général en mode touriste et puis tu sais quand il fallait demander un truc, en général, je grattais chez les autres quoi, tu vois. Tu sais quand il fallait une couleur et un stylo avec une couleur, je dis t'as pas un stylo rouge s'il te plaît. Donc ça m'aidait en général, ça m'aidait. Bon, non, c'est bien, c'est bien. Bon, moi j'aimais bien la rentrée, on avait les nouvelles fournitures. Les nouveaux cahiers, les nouveaux crayons, de toutes les couleurs. Ah ouais, putain, ça c'est la fête. Non, mais en plus, tu sais pas dans quelle classe tu vas tomber avec qui. Moi, c'est ce qui m'énervait le plus, tu vois, c'est de pas savoir où étaient mes potes. Ah, j'aimais bien, moi. Ah ouais, allons que tu es au quel club. Bah ouais, je suis là. Oh merde, putain, on est pas dans la même classe. Oh là là, galère, on va se retrouver avec qui ouais. Donc c'est une angoisse. Croiser les doigts pour que le mec que tu kiffes soit dans ta classe. Moi personnellement j'avais pas ce problème. Mais oui après ouais. Voilà, donc dites-nous comment ça se passe chez vous justement. Tiens, allez-y, n'hésitez pas, il y a les photos aussi hein, de du Morita Night ce soir là. N'oubliez pas à consommer avec modération bien évidemment si vous le faites, voire mieux encore la sans l'alcool. Ouais, c'est la Morita Night. Voilà, c'est avec ça. Avec DJ Miko. Ouais, non, bah non, lui est pas là, pas ce soir. Il y a Franck qui dit est-ce que tu follow back Toff? Non, bah il sait même pas comment on follow tout court. Alors, imagine. Greg aussi qui dit Mickaël donne un coup de pelle à Toff, T-E-E-F-F. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça, T-E-F. C'est depuis que tu me tapes dessus, hein, forcément. Ça ah bah ouais, forcément, attends, je t'en mets une. Voilà, tiens, un petit coup dans la tronche, là. Et puis un message qui dit à Arthur, si c'est la rentrée, mais je t'écoute quand même jusqu'à 2h. Ça, c'est bon, Arthur. Voilà, Arthur. T'as rien gagné, mais bravo. Bah ouais, t'as rien gagné. Si, il a gagné l'honneur d'écouter jusqu'à 2h. C'est le mec qui se la ramène un peu, quand même. Ouais. Et Mathias aussi qui dit, salut toute l'équipe, vous me vendez du rêve tous les soirs, merci beaucoup. Tu peux passer Bouya et un bazooka dans la gueule de Toff. Alors, Bouya, pas de problème. Je te le mettrai tout à l'heure sans souci. Et alors le bazooka. Alors comment t'expliquer que le bazooka on va le mettre en même temps si tu veux. Tiens regarde. Voilà, comme ça il a les deux d'un coup. Non, c'est mieux comme ça, il est mieux comme ça, c'est quand on lui il refait un peu la façade. Mais ouais. Voilà, c'est vachement mieux, c'est vachement mieux. C'est vrai que ça lui a amélioré la gueule. Grave. Et il y a Arthur qui dit je veux que vous passiez un petit Lady Gaga avec Upload. Et ben pas de problème, en plus je vous l'ai fait découvrir sur Fun Radio là il y a quelques semaines, et ben on va vous le faire écouter tout à l'heure. Ce sera avant 2h du mat sur Fun Radio, donc restez bien branchés sur Fun. Bon, je rappelle qu'il y a aussi le stage de pilote hein, si vous avez toujours kiffé. Tu peux la voir. Non, tu peux pas la voir. Allez, hein. Si vous avez toujours kiffé rouler avec une Ferrari en mode circuit. Donc à fond de balle. Alors d'accord. Rencard sur le Facebook maintenant de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et vous verrez également la vidéo que j'ai mise là. C'est une vidéo qui est juste à se pisser dessus. Le mec qui se fait niquer deux fois de suite. Donc partagez-la si vous la likez justement. Et bah, vous allez dessus hein, facebook.com/Mickaël officiel. Je compte sur vous. Retour avec Brian, 20 ans maintenant d'Anthony dans les Hauts-de-Seine. Salut, re-salut Brian. Salut. Oui, ça va bien Brian. Toujours comme tout à l'heure en mode tranquille ou pas? Ouais, moi tranquille toujours. Bon, ça a l'air, hein, ça a l'air. Ouais. T'as vu la vidéo que je viens de mettre sur le Facebook ou pas? Non, même pas, parce que là, en plus, j'ai plus de batterie. Merde. Je dois rester, quoi. D'accord, bon, on va faire vite alors. Beaucoup. Bon, bah, les autres, allez voir hein, la vidéo que je viens de mettre là, justement, et puis Brian, il ira après. Bon, alors, du coup, Brian, toi, tu nous avais appelé parce que donc tu voulais savoir si ton pote était gay, c'est ça? Voilà, parce que. En fait, le truc, c'est. Je suis parti en vacances avec des. On est parti entre potes. Ouais. Et le truc, c'est qu'on dormait en tente et voilà, quand moi j'étais avec, on était quatre en tout dans la tente. Et j'ai un pote, voilà, qui s'appelle Maxime. Ouais. Et voilà, qui cherche un peu trop de moi et il me fait des avances que, voilà, c'est que c'est pas normal. Mais il se fait quoi? Non, mais c'est quel style d'avance? Genre, il dit, mais j'ai fait tomber le savon, tu peux le ramasser? Ou il fait quoi non, comme style d'avance? Ce qui est... En fait, il m'a déjà mis une fessée et là, franchement, genre, tu t'es abaissé et puis oh, il t'a mis un petit coup là ou pas? Parce que je marchais normal, il m'a mis une fessée devant tout le monde et des fois, quand on est tout seul, il me fait des petites avances, genre, t'es bien, j'aime bien commenter, j'aime ta façon d'être. Ah ouais, mais le mec, quoi. Il a clairement envie de ton fion, hein, ça c'est clair. Hein. Ah bah oui. Ah mais non mais c'est clair, non mais c'est évident, attends, cherche pas plus loin. Le mec il dit j'aime bien comment tu marches, j'aime bien comment tu te déhanches, j'aime bien tes fesses, j'aime bien. Arrête, j'aime bien ton torse velu. Le mec il a juste envie que tu te mettes à quatre pattes et que. Hop là, il t'en met une petite. Hein. Ah bah bien sûr. Non, c'est lui qui arrive hein. Allez, hein. Tentez. Bon donc non mais voilà, non mais il a juste envie de ça. Et fais attention parce qu'après ça va finir avec le marteau piqueur. Ah oui, après il va te mettre un petit coup de marteau piqueur et puis tu vas pas te rendre compte. Hein. Ouais. Ah non mais ça va arriver ouais, comme ouais. Ça là directement sans réfléchir. Et après pile avec tes fesses. Voilà, il va te mettre ça, puis après, hop. Et puis il va continuer, et puis il va continuer, et puis... Voilà, ah, t'as vu. Ça va, ça passe. Et puis après, il va mettre un coup de fouet aussi. Voilà. Ouais, bien, voilà, quoi. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Et j'aurais aimé l'appeler, lui demander s'il était gay ou pas. Oui, bah, on peut l'appeler. Ah, mais... ah, je pense qu'on peut faire des paris. Des paris de quoi? Des paris pour savoir si il y est. Hein. Moi, je pense qu'on peut rigoler. Hein. Non, mais comment t'expliquer qu'évidemment qu'il y est, mais c'est sûr. Hein. C'est pour ça que je comprends pas que Brian se pose encore la question. Mais quoi. Oui, non, mais Brian, on va l'appeler en direct, si tu veux, il n'y a pas de problème. Attention, hein. Brian, dans le respect et dans la courtoisie, hein, bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Il n'y a pas de soucis. Va pas insulter et tout, parce que sinon, on pète la gueule. Il y a Let's Be Freak sur le Twitter qui dit dormir en tente, c'est dormir. De quoi? J'ai pas entendu parce que t'as parlé en même temps que moi, ou inversement. Tu disais quoi? J'ai dit qu'on est des bons potes, on va pas s'en faire. Ça, je dis pas le contraire. Et donc, il y a Let's Be Freak sur le Twitter qui dit dormir en tente, c'est dormir en érection, c'est ça? On peut voir ça comme ça. Alors, ça, Mickaël, vous êtes géniaux là. Vous pouvez mettre la chanson Je te survivrai de Jean-Pierre François. Attends, parce que. Comment t'expliquer que. Attends, parce que je pense qu'il y a un moment. Jean-Pierre François de Jean-Pierre François? Jean-Pierre François. Attends, il y a juste un moment, c'est que. Est-ce que quelqu'un. Est-ce que tu t'es peut-être trompé de radio? Je sais pas, après, c'est pas très grave, hein, mais je te survivrai de Jean-Pierre François. C'est con, je l'ai pas. Attends, je vais essayer de la choper directement là. Ah oui, mais on passe des golds tous les. Non, mais attends, arrête un peu ton cinéma. Jeudi, là, ou je sais pas quand. Mais non, mais. Non. On a passé Beyoncé hier. Oui, mais Beyoncé, Jean-Pierre François, t'es sérieuse là? Non mais sans déconner, t'es sérieuse avec Tu l'as ou pas, Toff? Là, sinon je l'ai. Bon, tu l'as? Alors attends une seconde là, parce qu'il faut que je la mette du coup. Alors, Jean-Pierre François, pour les plus jeunes, enfin pour tout le monde au final. Hein, oh non, pas ça, par pitié. Ah bah si, il faut mais que je vous la mette. Non mais. Non mais c'est pour vous dire à quel point le truc il est quand même très très très très très violent. Trop violent, j'ai envie de dire. Alors écoutez, ça donne ça. Ah c'est pas mal. Envoie Toff? Ouais, ouais, j'envoie là. Ah ouais, bah alors attends, j'envoie du lourd là. Ah ouais, ça donne moins ça alors. Oh la tête du mec. Ah oh, merde, putain, je n'ai plus le son. Calme-toi, calme-toi. Ah ouais. Oh, j'avais jamais vu ce type, mais là, mets-lui un coup de pute. Ah merde, il marche plus ton ordinateur, Toff, là, qu'est-ce que t'as foutu encore là? Bon, t'as fait de la merde encore là. Chante-nous un petit bout. Attends, en fait, ça fait je te survivrai. Non, par pitié. Bon. Sandro, qu'est-ce qu'on t'a dit là? Pardon, on a dit d'arrêter directement. Je me suis un petit peu emporté. Ouais, je te confirme, ouais. Attends, essaie de la trouver en live, hein, mais après, c'est bon, Toff, tu l'as ou pas? Laisse-moi deux secondes. Ouais, bah je te laisse deux secondes, mais oh bon. Mais déjà l'ordinateur 1 là. Mais c'est fait, c'est fait, c'est fait. Non, mais je prends un peu de temps parce que c'est quand même super important. Parce qu'il y a quand même des gens qui se branchent sur Fun. Ouais, qui se branchent sur Fun et qui proposent à un moment d'écouter Jean-Pierre François, quoi. C'est surtout ça qui me choque le plus. Il est égaré, ce garçon est égaré. Tu connais, toi, Brian, ou pas Jean-Pierre François? Brian? Allô? Du coup, c'est pareil. Tu connais Jean-Pierre François, toi, ou pas? Non, je connais pas du tout. Jean-Pierre François, je connais pas, vraiment je connais pas. La chanson peut-être va te dire quelque chose si on la trouve. Ouais, attends, il faut qu'on la trouve encore. Mais à mon avis, je connais pas. Bah écoute, on va essayer de la retrouver dans un instant parce que c'est vrai que je l'ai pas là sous la main tout de suite. Mais dès que je l'ai, promis, je te l'avais. Attends, ah voilà, ça y est. Oh là là. C'est l'horreur. Hein. Non, je la connais pas. Non mais c'est-à-dire que même les radios ringardes la passent plus. Oh mais faut voir la tête du mec hein. Ah ouais ouais. Ah ouais. Quoi que c'est Dance Floor à l'époque hein. Il y a une autre époque alors hein. Ah ouais, il y a une époque il y a longtemps hein. Dans les bruits de la ville. Voilà. Bon allez, on va essayer de le tenir comme ça pendant 2 minutes, comme ça fera un quota français. Quel quota, dis donc. Jean-Pierre François, ça sera curieux de voir sa fiche, ça c'est... je suis passé sur Fun. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un remix, je suis pas au courant. Ouais, je sais pas, ouais. Bon, enfin bref, bon voilà, donc comme ça vous voyez. Donc écoute, je ne sais pas pourquoi tu as demandé, mais tu n'es pas sur la bonne radio. Il y a Sarah qui dit bonsoir, faites-moi rire, là, Jean-Pierre François au secours. Et alors Nadia qui dit Jean-Pierre François sur Fun, je te survivrai, nous n'y survivrons pas. Non, mais effectivement, je te le confirme. Et alors Alexandre qui dit c'est super Dancefloor, Jean-Pierre François. Non, mais ah bah on oui, a oh là là. C'est une chanson pourrie qu'on adore, mais tu sais qu'on a honte un peu. Ça m'a réfléchir. Non. Si, arrête de mentir. Je suis sûr que t'as une chanson que tu kiffes, mais que t'as honte de le dire. Non, c'est faux. Arrête de mentir. C'est faux. Elle voulait parler de Capitaine Flamme, mais après, moi je dirais. Mais moi j'en ai plein. Bah, je m'en doute. Dites-nous, oui, alors ça. Vos chansons ringardes. Ouais, que vous avez honte. Ouais, dites-nous. Dites-nous. Bah, je suis curieux de voir. Moi j'en ai une. Moi j'en ai une. C'est quoi? Mac Pokora. Vous savez que c'est le chanteur préféré de Sandro. Passe en toi. Ah ouais, mais c'est là. Et franchement, Matt, si tu nous écoutes, Passe en toi, elle était quand même dure. Elle était très bien. Non, c'est vrai, elle était dure. Elle était dure. Écoutez, il faut dire les choses quand même. Faut dire les choses. Passe en toi, c'était ça. Écoutez. Ah, là, elle est trop bien. Tu parles. Passe en toi. Enfin, je réinvente les paroles parce que je connais pas l'air, hein, mais. Matt, franchement, t'as fait mieux quand même. Hein. Oh putain, on dirait qu'il a un bon tempi là. On dirait Polo avec son pipeau. Attends, je vais le remettre. Attends, je vais peut-être faire éventuellement relever le niveau de la chanson. Attendez, attendez. Non, ta gueule. Ah, c'est mieux comme ça, ouais. Ouais. Je me rappelle le jour où je t'ai vu, mon ami. Oh, quelle horreur, j'arrête. Non, c'est une horreur. Non, allez, arrête, arrête, c'est une horreur. Sandro, tais-toi. Putain, je vais le lancer dans la gueule parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Ouf, putain. Mais il est horrible, Sandro. Non, mais lui, pourquoi on l'appelle pas? Attends, laisse-moi réfléchir. S'il te plaît. Pourquoi? Parce que. Bon, Brian, reste avec nous. On va appeler ton mec dans un instant. Ton mec. Ton pote dans un instant. Le mec. Ouais. C'est qu'il me reste 30%. Ah, je sais pas si je vais tenir. 30%? Non, 3%, mais t'as pas 3%, 3. Oh, ça va tenir, ça va tenir. J'ai confiance en toi, enfin, t'inquiète pas. Bouge pas de là, ça va arriver dans un instant, Brian. Reste là, on va appeler le pote dans un instant et on écoute tout de suite le son de. Alors, c'est un son de Maître Peters qui nous a ramené ça de chez lui. Oui, je Maître Peters qui est l'avocat de l'émission. Hein. Oui, c'est mon fils, Johan. Il met ça dans le boucle avec le caravan. Ah, est-ce que vous pouvez le dire? Parce que moi, j'ai un petit peu de mal avec l'accent. Flamand hollandais. Alors ça vient de Flandre ou? Oui, je pense soit que ça vient de le Flandre. Hein. Oui, voilà. Oui. Donc c'est sur le numéro 14, Maître Peters. Oui, numéro 14, attends, je cherche. Numéro 4. Ah oui, c'est Vandaag. Hein. Ah, yeah, mais ça c'est le titre. Hein. Ah oui, c'est Beckmart. Ah, Beckmart. Bakkermat. Ah, Bakkermat. Ah oui, bon, enfin, si, mettez vos lunettes, hein, Maître Peters. Oui, Bakkermat, oui. Voilà. Oui, bon. c'est... Et Vandaag, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, donc on écoute ça maintenant, là, aujourd'hui. Ah oui, non, aujourd'hui, pas maintenant. Aujourd'hui. Bon, enfin, on écoute aujourd'hui. Ah oui. Très bien. Bon, écoute, bah, merci beaucoup, hein, Maître Peters, hein, l'avocat de l'émission, là. J'en prie de toi. Au revoir. Et on revient dans un instant avec Brian, justement, on va appeler son mec dans un instant. Et puis on aura aussi la colle de ce soir avec une PlayStation 3 à gagner. C'est juste après ça sur Fun Radio. La bonne soirée, tout le monde. Bon, alors, il y en a plein qui demandent là ce que c'était le son là. C'est Bakkermat avec Vandaag. C'est un mot. Alors, je sais même pas si c'est belge ou si c'est. Si ça vient de Flandre ou si ça vient d'Hollande. Je sais pas, tiens. Bakkermat avec Vandaag. J'essaie de le faire avec l'accent. Hein. Maître Peters qui m'a expliqué pendant le titre. Donc voilà. Ben, voilà. Ça, vous le savez. Il y en a plein qui demandaient là c'est quoi le titre de la chanson. C'est Timothée qui demandait. C'est quoi ce titre? C'est Dylan. Et ben voilà, on vous le met. On vous l'a mis à l'instant le son justement sur Fun Radio de Bakkermat avec Vandaag. Je suis curieux d'écouter. Les autres animateurs annonçaient le titre. C'est une DJ hollandais. Hein. Ah, c'est la hollandais, d'accord, ok. C'est Lodewijk Flutert. Ah, ben je pensais que c'était belge, autant pour moi. Oui, il vient de Utrecht. D'accord, ah oui, Utrecht, bah oui, mais c'est la frontière belgo-hollandaise, ça. C'est oui. Juste la frontière, juste à côté. Oui, mais il est né de l'autre côté. Ah, d'accord, ok. Bon, bah très bien, Maître Peter. C'est Clara qui dit tu me fais un petit morito avant la rentrée, merci d'avance. Ah, bah écoute, suffit de venir à la radio, moi je suis équipé, y'a pas de soucis, ouais. Bon, ouais, retour avec la colle dans quelques instants pour gagner votre PS3, mais on va vite prendre Brian d'abord parce qu'il y a presque plus de batterie là. Brian qui nous avait appelé parce qu'il pense que son pote est gay et surtout qu'il en a après son fion. C'est ça, hein? Ouais. Bon, alors, on va l'appeler directement, Brian, hein, comme ça on perd pas trop de temps, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vivement que la pub arrive, parce que j'aurais pissé. Non, mais c'est vrai en plus. Allô? Allô? Allô? Ouais. Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Tranquille, allô? Quoi. Tranquille. Ouais. C'était pour demander. Vraiment, est-ce que t'as un gars ou pas? Allô. Allô. Quoi cet écho bizarre derrière là? Allô. Ouais, ça va? Ouais, c'était pour te demander. Le mec il se demande 2000 fois ça. Voilà, vas-y, on a passé de bonnes vacances entre potos, c'était bien. Et c'était pour demander si voilà quoi, si t'étais gay, si tu me faisais des avances, tout ça. Donc, je voulais savoir quoi. Bah franchement, tu vois, toi et moi, franchement, on s'entend bien, on est des bons potes. Ça va? Je sais pas si dans la tombe ça reste entre nous, tu vois, parce que je sais pas même plus c'est que, voilà, ça a été un peu haut, toi et moi. Et bah putain. Mais en fait, pourquoi tu m'appelles là? T'es avec qui? Je suis à Fun Radio là, c'était pour demander si vraiment... Bah Brian, salut, ça va? Ouais. Et toi, ça va? Ça va Brian? Bah non. Ouais. Non, ça va le pote de Brian là, comment il s'appelle? Ça va Maxime. Ah Maxime, ça va Maxime? Ça va, tranquille. Maxime. Ouais. Hey, dis-moi, alors t'es gay ou t'es pas gay? Non, en fait, je sais pas, tu vois. Ah, tu sais pas, t'aimes les deux, quoi? Non, c'est pas ça, laisse-moi t'expliquer. Vas-y, dis-moi. En fait, tu vois, on a passé des super vacances, n'est pas Fréjus. On a dormi avec deux potes à moi. Il y avait Brian, moi, et deux autres potes, un qui s'appelle Melvin et un qui s'appelle Alex. Ouais. Et en fait, un soir, on avait beaucoup bu. D'accord. Et voilà, en fait, Brian, moi, j'ai commencé à lui mettre une main aux fesses. Et en fait, normal. Après, et en fait, après, il a sucé mon pote Alex et mon pote Melvin. Ah ouais, d'accord, donc c'est pas comme si vous aviez juste mis une main aux fesses, quoi. Enfin, c'est bien parce que pour quelqu'un qui dit ouais, ça reste entre nous, c'est quand même ouvert, hein, plus ou moins, sur le truc, quand même. Parce que moi, en fait, après, moi, j'ai voulu proposer une partouze générale. Bah arrête, mais... arrête. Eh, vous êtes pas en train de vous foutre de notre gueule? Non, on rigole. Non, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous savez, il faut pas boire. Hein, parce... Ouais. En plus, et puis sinon, et si jamais c'est vrai, putain, vous avez pas appelé Toff là, il serait venu directement là. Il serait venu en scooter là, directement, sans problème. Ah bah ouais, non, mais attendez, vous l'avez pas prévenu, putain, c'est dommage. Non mais oui. Non mais Brian. Non, c'était pour rigoler. Il est parti en ligne aussi, c'était pour ça. Bon, et donc du coup, alors la moralité, c'est quoi l'histoire? Alors donc t'es pas gay, tu veux pas les fesses de ton mec? Enfin, de ton pote plutôt. Non, je suis pas gay, j'ai ma meuf. Par contre, lui, là, Brian, qui s'appelle Omar, qui habite au balconnet, hein, voilà, je déclare. Ça, c'est bon, noir, ça. C'est un noir, il a 21 ans. Ouais, bah ça, voilà. Ça peut pas. Et alors, lui, il est gay, alors. Ils le reconnaîtront, et lui, il est très, très gay, par contre. D'accord. Il est vraiment dévot aux fesses. Eh ben voilà, Omar, là, dis donc, bon, tu nous as tout dit maintenant, là, maintenant, on sait tout, là. Hein, hein? Et Omar, non. Omar, t'aimerais bien lui claquer à Brian, là. Hein? Ah, Brian, pardon, à. Non. Ah, merde, j'ai oublié, à Maxime. Non, voilà. En fait, c'est ça, Thomas. Tu voulais savoir s'il est gay pour pouvoir le serrer. Voilà, t'aimerais bien lui mettre un petit coup de fouet tout, là. Pas du tout. Hein? Pour passer en ligne, c'est pour passer en ligne. Avec mais tout, ouais. Avec nos potes et voilà quoi. Et chanter ça. Allô. Ouais, hein, vous aimeriez bien ça, surtout toi, Omar, hein. Mais y a pas de mal. Y a pas de mal, Omar. Bon, mais bonne soirée en tout cas tous les deux. Hein. Non, vous auriez pas okay. Excusez-moi, c'était juste pour vous dire. Ouais, Omar. Je sais pas si c'est votre collègue, mais elle a une super belle voix. Ah mais de toute façon t'es gay donc t'en fous, Omar. Ah bon, tu parles de Toff. Omar, je voulais te remercier de m'avoir dit j'avais une belle voix. Allô, plaisir. Allô. Ouais, Maxime. Ouais, par contre, voilà, en fait, sérieusement, on est une équipe de mécaniciens. Ouais. Et on fait du black, on pèse l'état, tu vois. Et ouais. Vraiment, on fait de la mécanique. Et ouais, mais par contre, c'est pas intelligent de le dire en radio, ouais. Si tu veux. Hein, ouais. Bon, après, tu fais comme tu veux, mais... On vend du shit, on vend de la coupe. Ouais, mais ça, c'est mal aussi. Bon, Maxime. Ouais. Bon, bah, passe une bonne soirée à Omar aussi. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Allez, à bientôt. Et sortez couverts. Ciao à vous, bye bye. Bon, et vite fait, maintenant, avec Nemo, là, pour qui est là pour l'école, là. Salut. Salut Nemo. Nemo, t'es dans un bocal? T'es le poisson, comment ça se passe? Non. Mais tu t'appelles comment? Vraiment Nemo? Ouais, vraiment Nemo. Ah ouais, tes parents, ils avaient pas honte, quoi. Eh, attendez, non, juste, mais attendez. Capitaine Nemo. Ouais, mais attendez juste un truc, parce que j'ai voulu taper poisson dans la machine où il y a tous les sons, et il y a quand même un son sur lequel je suis assez surpris. Attendez, j'enlève la musique. Il y a un son qui s'appelle, je ne le connais pas, je l'ai jamais écouté, il s'appelle Femme Rire Poisson. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut bien sortir de là quand je vais l'envoyer? Ah, écoute, j'ai très peur. On va découvrir ensemble donc un son qui s'appelle Femme Rire Poisson alors. Oh. Ah, c'est un poisson ça? C'est nul. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Moi j'aurais plutôt appelé sa femme rire cochon, mais poisson pas des masses. Bon bah du coup c'est raté, hein. J'aurais pas de poisson. Bon Nemo, allez attention, tu vas peut-être repartir avec la PlayStation 3 dans un instant. Pour ça il faut que tu donnes la colle. Vas-y on t'écoute. Alors, comment les abeilles font l'amour? C'est tout? Comment les abeilles font-elles l'amour? Ouais. D'accord, bon bah si vous avez la bonne réponse. À six pattes? C'est ça ou pas Nemo? Quoi? Parce que nous on fait à quatre pattes. À six pattes. À six pattes, non? Non. Non, d'accord. Bon, si vous avez la bonne réponse, comment les abeilles font-elles l'amour? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez votre réponse maintenant. Alors on va le faire sur Facebook ce soir là. Facebook.com/Mickaël officiel. J'ai mis la question sur le Facebook. Vous pouvez y aller si vous avez la bonne réponse. Eh bien votre PS3 sera peut-être pour vous si on vous rappelle. Hein. Bon ben Nemo, on te récupère tout à l'heure. Ouais, ok. À tout à l'heure, Nemo, là. Comment les abeilles font-elles l'amour? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez votre réponse maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous allez mettre la réponse là où il y a la question. Vous allez voir la PlayStation 3, voilà, il y a la PlayStation 3. Et il y a la question dessus, vous mettez votre réponse. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec votre PS3. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis, on va s'écouter le son d'Avicii, tiens, dans un instant. On va reparler des cantines aussi dans un instant avec Norbert. Il y a Nicolas aussi avec sa meuf, je veux pas lui faire de fellation, donc on va en parler. Et profitez bien de l'écran pub qui va arriver maintenant. Non mais écoutez-le bien, c'est de la pub, c'est génial parce qu'après on va en être débarrassé pendant 2 heures. Voilà, je vous dis ça parce qu'après on en aura plus jusqu'à la fin de l'émission, donc voilà, profitez-en bien quoi. Restez là, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Venez nous rejoindre également. Là, on est quasiment 10 000 ce soir. Là, c'est bien pour une émission qui est à moins de 1000. Ça fait plaisir. C'est énorme. 10 000 sur le Twitter de l'émission. Là, vous tapez Mickaël officiel. Vous me faites un follow et moi, je vous fais de même. Je vous followerai également. Donc, je compte sur vous pour poster des trucs intéressants, évidemment. Bon, message de Popouliette qui dit bon pipi, c'est la pub. Ouais, ouais, ouais, je te confirme là, putain. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Là, je suis presque à la fin de l'émission. Et puis là aussi, bonne nouvelle, on est en cœur, au plein cœur de 2h sans pub, là, même plus, jusqu'à la fin de l'émission. On vous passe que du son et on est là avec vous également en direct. Donc venez taper la discute avec nous, ouais. On est là. Venez prendre le contrôle de l'émission, venez prendre le contrôle de la radio. 01 42 48 5000. Il y a également la PlayStation 3 avec l'énigme, enfin la colle de ce soir qui va vous permettre de repartir avec votre PlayStation 3. Si vous voulez tenter votre chance, à vous de jouer dès maintenant. Facebook.com/MIKL officiel. Venez répondre à la colle de ce soir et si vous avez la bonne réponse, eh ben vous repartirez avec votre PlayStation 3, c'est pas plus compliqué que ça. Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h et on écoute le son d'Avicii, c'est Wake Me Up sur Fun. Feeling my way through the darkness. Et Fun Radio avec le son d'Avicii à l'instant, c'était Wake Me Up. Prenez le contrôle. Hashtag MIKL officiel sur Fun Radio. Exactement, ouais, il suffit simplement de venir nous rejoindre. N'hésitez pas à vous balancer votre message sans problème. Et puis plein de réponses aussi qui sont arrivées à la petite colle là, de ce soir là, la colle que Nemo a balancé. Donc à vous de jouer si vous voulez repartir avec votre PlayStation 3 ce soir. Alors il faut répondre comment les abeilles font-elles l'amour. Si vous avez des bonnes réponses, n'hésitez pas à vous les balancer maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a Kev aussi là sur le Facebook qui dit vous assurez les mecs, continuez comme ça. Fun Radio, la meilleure radio du monde entier. Qui ne connaît pas Fun, forcément des bolos. Ouais. Et alors Emily aussi qui dit elle se culbute. Vous voyez, Emily qui a gagné d'ailleurs l'iPod Nano hier soir là. Bravo à toi encore Emily. Et Let's Be Freaks qui dit plus de pub jusqu'à 2h du mat, ça c'est cool. Ah bah ouais, je te confirme. Hein. C'est-à-dire que là, on est bien. On est bien. Est-ce que les abeilles le font pas dans le miel? Les abeilles dans le miel, je dans sais pas, miel, on va demander à Nemo. T'es là Nemo? Ouais. Je veux bon, gagner le alors est-ce que c'est ça parce dis-moi que lui il voudrait gagner ce petit, soir. Petit non, poisson. Attends, je vais te mettre une nouvelle musique. Attends, je vais non. te la mettre à 30 secondes. Pas ça. Voilà. C'est Maya l'abeille. C'est Maya l'abeille. Voilà, donc dorénavant à la place de cette chanson là, voilà. Oh, ce soir on mettra ça. Bon, répète la colle alors Nemo, donc t'es là, tiens. Comment les abeilles font-elles l'amour? Comment les abeilles font-elles l'amour? Si vous avez, c'est dur. Hein. Si vous avez la bonne réponse, par le cul, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la par le cul non plus. Non. Bon bah très bien. Bon bah si vous avez la bonne réponse, il y a une PS3 qui est à gagner. Hein. Vous balancez maintenant votre réponse directement sur le Facebook de l'émission. Ta gueule, d'offre. Facebook.com/MIKL officiel. De quoi? Vous faites encore des skips public? Attends, je comprends rien parce que tu souffles dans ton téléphone, on comprend rien ce que tu racontes, Nemo. Est-ce que vous faites encore des skips no public? Des slips no public. On n'a jamais fait slip. Je pense pas qu'on ait fait des slips no public un jour. Non, c'était ça avant sur la libre antenne des cas. Ah ouais, mais non, bah non, non, là, il n'y en a plus, non, mais. Mais t'inquiète pas, on peut t'envoyer un des siens avec des poils. C'est presque pareil. Je fais pas de slip, je mets des caleçons, mais je peux t'envoyer un caleçon de boxeur. Non, mais t'inquiète pas, on va bientôt faire des trucs particuliers également, bientôt. On vous en offrira aussi, vous inquiétez pas. Et nous, on fait pas de slip, non. Nemo, bouge pas de là, d'accord? Ouais. Bon, très bien, parfait. Alors, bouge pas de là. Si vous avez donc la bonne réponse, là, n'hésitez pas. Vous balancez votre réponse maintenant, justement. C'est sur le Facebook de l'émission. Ce soir, c'est gratuit. facebook.com/mikaelofficiel. C'est Fun qui va tirer la gueule. Hein. Pas de SMS, pas de pub. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, je... c'est Tof qui paye, il paraît. Exactement, c'est Tof qui paye tout le soir. Je m'inquiète, Cookie n'est pas sur Twitter, je m'inquiète. Tiens, c'est bizarre. Qu'elle nous fasse un petit coucou, là. Effectivement, il y a Antonin aussi sur le Facebook qui dit remets une ou deux claques à Tof. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, tiens, voilà. Ah, ça m'avait manqué. Voilà. Ah oui. Encore une, voilà. Encore une. Oh, vas-y. Allez, c'est moi qui régale. Voilà. Bon, ben voilà, Antonin. Je suis en spectacle dans toutes les salles SM. Ouais. À partir de ce c'est ça. Bon, et il y a Vincent aussi qui est avec nous, là, du 71 en Saône-et-Loire. Salut à toi, comment tu vas, Vincent ? Salut, Mickaël, ça va ? Oh, ben, en forme et toi ? Ouais. Bon, très bien. Eh, oh, t'es sur la route, toi, c'est ça ? Ouais. Bon, il nous avait appelé, Vincent, il nous avait envoyé un message en disant ouais, dites-moi de temps en temps de me réveiller parce que je suis sur la route et je suis claqué, j'ai encore une heure de route. Bah écoute, bah tu vas rester avec nous du coup là, comme ça, ouais. Vincent, là, comme ça tu vas pas t'endormir. Ouais. Bah, voilà. Puis comme ça il en cumule deux, tu vois, la fatigue et le téléphone au volant, on sera au top. Mais non, mais t'as le kit main libre sur moi quand même. Non. Oh merde, t'es arrêté. Ah ouais, donc on va pas beaucoup t'aider en fait. Alors, au lieu d'en profiter pour dormir. Ouais, c'est ça. Donc, tu voudrais faire écouter. Il s'arrête. Je me disais aussi que t'avais une voiture putain silencieuse, hein, Vincent. Elle est allumée là pourtant. Non, tu te fous de ma gueule. Attends, on entend pas un bruit. T'es sérieux là ? Klaxon d'un coup ? Ah oui, il accélère là. Ouais, on entend. Ah putain, t'as une Ferrari là ? Non, une Corsa. Ah, une Corsa, ouais, c'est pas pareil. Hein, c'est presque pareil au niveau espace. Hein. Oui, niveau espace, oui, mais c'est différent, quoi. C'est différent. Bon, et tu vas de où à où, alors, toi ? De Mâcon jusqu'à chez moi, Chauffaille. Bien de Mâcon jusqu'à chez moi. Ah bah oui, alors d'accord. Là, ça va beaucoup mieux, là. Je vois où tu te trouves, là, effectivement. De Mâcon à Chauffaille, mais... Parce que tu sais où c'est, Chauffaille ? Mais bien sûr. C'est les noirs. donne un petit coup l'accélérateur pour voir, là. Attends, et moi je vais essayer avec ma caisse, attends, bouge pas. Ah ah ah. Il y a Tof qui essaie de te doubler avec son scooter, là. Pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi, c'est une Porsche ou une Ferrari ? C'est une belle voiture. C'est un tracteur. Voilà, c'est ça. Attends, allez, coupe la tienne et redémarre là pour voir. Je mets le petit bruit. Attends. En panne. Et là, elle redémarre plus. T'as démarré là ? Oui, c'est bon, j'ai démarré. Ah putain, là, t'as pas entendu ? Attends, parce que regarde la mienne. Wouah ! Ah, tu vois directement, c'est le 4 litres là. Ouais. Hein, le V8. Arbre à cam en tête. Eh ouais. Ah là, je m'incline. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est quoi ? Il a dit un truc. Il a entendu arbre à cam un jour, il a dû dire, qu'est-ce que je vais dire ? Régulateur, qu'est-ce que je vais dire ? Soupape, 17 soupapes. Ça va passer bien, carburateur 4, oui, injecteur. Non, Polo, il regarde Automoto et puis il répète. Hein. Ah bah bien sûr. Il a raison. Ou Turbo, il peut regarder Turbo aussi, pourquoi pas. Ouais. Bon, bah du coup, tu vas redémarrer, Vincent, là. Et puis la prochaine aire d'autoroute, là, c'est quoi ? Tous les 40 km à peu près, donc on te rappelle ? Ok. Bon, bah parfait. Ou alors, non, mieux. Vincent, tu vas laisser le téléphone sur le siège. Ok, ouais. D'accord, tu vas laisser la radio allumée et de temps en temps on va t'appeler pour voir et tu vas gueuler sans prendre le téléphone mais juste dire ouais c'est bon je suis là, toujours réveillé. Et si on entend la sirène de la police, on saura que tu t'es endormi. Ouais, effectivement, si jamais on entend ça quelque part passer, c'est qu'effectivement il y a un problème. Espérons qu'on n'entendra pas les pompiers. Effectivement, espérons qu'on n'entende pas ça, ouais. Bon, à tout à l'heure Vincent là. À tout à l'heure. Allez, salut à toi Vincent. Ciao à toi, bye bye. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Norbert qui est avec nous là, Drouan là. Salut Norbert. Allô ? Ça va ? Ouais. Attends une seconde parce qu'il y a les flics qui arrivent là. Et il faut laisser passer, hein, c'est la règle. Hein. Ah oui, bah oui. Je crois qu'il s'essaie d'arrêter voilà. Avec son scooter pourri. Ouais, bon, quel scooter pourri ? Attends, il est déchiré le scooter là. Bah oui, c'est là. Le meilleur scooter du monde. Bah oui, vous voulez entendre le scooter ou pas là ? Bah oui. Attends une seconde parce que Tof, il monte sur sa bécane là. Attends, il démarre. Ouais, il monte sur sa bécane. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des motos comme ça. Voilà. Ouais, c'est une grosse. Voilà, ah, et puis après il y a Tof. Merde, pourquoi on a pas entendu Tof ? Ah oui, c'est parce que Tof a fait de la merde. Attends, on va la remettre. Alors, écoutez la différence des deux, hein. Je prends ma bécane. Non, toi tu prends Tof, toi. Toi tu prends la bécane de Tof, regarde. Prends la bécane de Tof et moi je prends la mienne. Alors attends. derrière, bande de cons. Hein, tu sais. Ah bah ouais, mais bon, écoute, tu veux que je te dise, moi. Attends, ça va, laisse tomber. C'est un sport de croix. Oui, pardon, excusez-moi. T'as vu? Ou alors je te donne la moto. Je joue à Barbie, nous dérange pas. Non, ou alors je te donne la je te donne la moto de Toff. Non, bah non, je comprends pas. Ah bah, tu sais quoi, allez, vas-y, Miss Johnny là, vas-y. Je dois faire un bruit. Vas-y, écarte tes jambes et monte sur la voiture, sur la moto. Allez, vas-y. Allez, go. J'étais à fond, je peux pas aller plus vite. Comment t'expliquer que. Sur la feuille, là, ouais. Là, il avait l'arbre à cam en tête là. J'avais plus dans la tête. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, Norbert, j'ai écorché ton nom. C'est déjà pas facile, alors si en plus je t'appelle Robert. Norbert ? Oui. Ah, il est là, très bien. Tu t'as misé sur qui, toi ? Sur le vainqueur ? Plutôt Toff ou plutôt Polo ou plutôt moi ? Toi. Ah ouais, c'est normal. Ouais, en même temps, bah ouais. Tu veux, j'avais la moto, j'avais une petite R1, alors que Toff, que Polo, il avait une R-1, voire moins 2. Voire même moins 3 en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, effectivement. Ouais. C'est avec les moyens que j'ai. Hein. Bah, c'est ça, il y a Xtra aussi sur le Twitter qui dit mort de rire, on se croirait dans un terrain de cross avec le scooter de merde, Toff. C'est ça. Et alors, Nicolas qui dit allez, Toff, tu as gagné, mort de rire. Et alors, Vessel aussi qui dit Toff qui passe en tête. Ah non, c'est le bateau qui le rattrape. Ouais, parce qu'en fait, on faisait une course là ce soir, on était entre le bateau, la moto et la bobinette de Toff. Ouais. Et je peux vous dire que la course était quand même très très rude. Très très rude la course de ce soir là. Qui a gagné d'ailleurs ? C'est moi qui ai gagné. C'est toi ? Bien sûr, évidemment. Moi j'étais avec ma moto, avec si tu crois, évidemment, c'est normal. Bon, Norbert, dans un instant tu vas nous parler de ta cantine, toi, c'est ça ? Oui. Bon, bah bouge pas de là. J'ai aussi un petit défi à te faire faire, Norbert. Tu vas voir, c'est pas très compliqué dans l'idée, mais j'aimerais voir si tu vas y arriver ou pas, quoi. D'accord ? D'accord. Bon bah très bien, bah, alors bouge pas de là. Et puis là on va parler d'un truc. Alors ça me tient à cœur parce qu'il y en a tellement à la télé que je me dis que c'est pas bien parce qu'on leur fait pas vraiment une assez belle place. À qui ? Aux teubés de la télé. Ah. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, c'est ces teubés justement, c'est il y en a plein comme ça qui passent et puis on s'en rend pas compte, parfois ils passent inaperçus alors que c'est quand même des Mongols, quoi. Non mais pour le coup, c'est vraiment des Mongols. Alors là, on va prendre le premier, c'est en Confessions Intimes. Alors mais oui, Confessions Intimes, qu'est-ce que tu veux. On a Kevin là, qui se prend pour une star de la télé. Alors il explique sa notion du buzz. J'adore faire le buzz. Le buzz est créé pour moi, comme on dit dans la station Rostar, quoi. Dans la station Rostar, tu vois, voilà, c'est ça. Rostar. Dans la station Rostar. Pour ceux qui avaient entendu, c'est leur Confessions Intimes. J'adore faire le buzz. Le buzz était créé pour moi, comme on dit dans la station Rostar, quoi. Voilà, donc ouais, lui du Verlan. Voilà, lui, il a clairement mérité sa claque. Bon, et puis dans Tellement Vrai, alors cette fois-ci, on a un autre champion du monde hein, qui se prend pour Dieu et donc il demande à son téléphone qui est le plus beau. Et ça donne ça. Qui c'est le plus beau ? Merde, ça me casse les couilles. Ça me laisse dubitatif. Recherchons plutôt la réponse sur Internet. Hein ? Ça laisse dubitatif ? Dubitatif, ça veut dire quoi, dubitatif ? Ouais, c'est ça, ça veut dire quoi ? Alors attendez, moi je vais demander à Siri là, qui c'est le plus beau. Salut Siri, c'est qui le plus beau ? Bon bah vas-y, Roger là, vas-y, plus vite. Ils s'en bat les couilles, ouais. Ils s'en bat les couilles. Siri, tu peux en faire un effort. Attends, il a peut-être mal entendu. Que puis-je pour vous ? Ben justement, alors une seconde. Bon, alors je vais vous le remettre. Voilà. Qui est le plus beau ? C'est vous qui avez le plus beau visage. Ah, wow, merci. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Alors que l'autre, il est dubitatif. Attends, j'ai demandé moi aussi. Alors que l'autre, il est dubitatif. Attends, je vais le remercier. Non, mais merci Siri, tu es toi aussi, tu es beau. On a dit que la beauté est une promesse de bonheur. Wow, merci. On a dit que la beauté. Promis, on n'a pas préparé, on n'a rien enregistré, je pose vraiment la question. Alors attendez, je vais poser la question pour Toff. Est-ce que tu penses que Toff est beau ou pas ? Alors attendez. C'est votre opinion qui compte, Michael. Ah, donc il est moche, hein, voilà, donc on est bien d'accord. Hein, alors je vais commencer avec Polo, attends une seconde. Est-ce que tu penses que Polo est un bon musicien ? Alors attendez. Je pense, donc je suis. Je connais le dessous des cartes. Ok. Bon, en fait, d'accord. Siri fonce des en fait. Je pense qu'il a fumé un ouange, ça comme. Complètement. Attends, j'ai demandé pour Sandro. Est-ce que tu penses que Sandro est belle, Siri ? Ah, attendez. Merci de demander, Michael. Mais ce que je pense importe peu. Ah, tu vois. Bon, bah, il a tout dit, hein. Merci, mon bon Siri. Vous voulez Siri, en fait, vous voulez pas répondre. Voilà. Voilà, il a pas eu les couilles, quoi. Il a pas eu les couilles. Alors que vous voyez dans l'autre, là, l'autre mongol, Siri, lui, reste dubitatif pour le coup. Hein. Alors, et bougez pas, puisque là, on va vous passer, comment vous expliquer? On va voir la championne. Hein, on va passer à la championne, justement, c'est Laura dans l'île des vérités. Alors attention, parce que comment vous expliquer que ça vaut de l'or? Je préfère les animaux aux humains. Je pense que des animaux sont plus humains que certains humains. Voilà. Alors pour ceux qui se diraient à un moment, j'ai pas compris, alors écoutez. Je préfère les animaux aux humains. Je pense que des animaux sont plus humains que certains humains. Ouais. Voilà, Non, non, les animaux, ouais, sont plus humains, ouais. Non, non, les animaux sont plus humains, ouais. Mais alors, bah, ça, c'est bien connu, évidemment. Les animaux sont plus humains. Je comprends même pas pourquoi humains. Est-ce qu'on cherchait encore, est-ce qu'on avait encore cette question en tête? Je comprends pas. Bon, on va se mettre le son de Robin Thicke, maintenant, sur Fun Radio. T'es toujours dis-moi, Norbert, hein. Oui. Bon, très bien. Dans un instant, on va faire un jeu ensemble. Tu vas voir et tu vas nous parler aussi de ta cantine. Au cœur de plus de 2 heures sans pub. Alors, cherchez pas sur les autres radios, hein, ça n'existe pas. Non. Ils ont tellement les crocs qui rayent le parquet qu'ils veulent absolument gagner de l'oseille avec on des pubs de merde. Racheter la pub. Nous, on est tranquille. On vous fait pas chier. Là, plus de pub sur Fun Radio, là, au moins jusqu'à 2h du mat. Et on écoute maintenant le son de Robin Thicke sur Fun Radio avec Blurred Lines. Alors, attendez. Hey, 20 secondes. Attends. Siri, t'es d'accord qu'on mette Robin Thicke? Oh mais il a planté. Allez, bonne soirée avec Fun Radio, au cœur de bah, presque la nuit sans pub, on peut dire ça comme ça. Hein. Minuit 10, on a passé la dernière pub à 23h45 à peu près, et là on est tranquille jusqu'à au moins 2h du mat, sans pub sur Fun Radio, cherchez pas sur les autres radios, on est les seuls à vous proposer ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et si vous voulez écouter des sons particuliers, n'hésitez pas à demander. Hein. Je vous cale tout à l'heure Tapo et Raya également avec Quita del Top. Voilà, Quita del Top, ce sera dans un instant. On avait demandé aussi Lady Gaga avec Applause. Je vous le calerai avant la fin d'émission sur Fun Radio avant 2h. Et puis vous êtes nombreux à la demander aussi cette chanson-là avec le hashtag et Mickaël, la chanson de Showtech. Et Bouya. Bon, et si vous voulez écouter un son particulier aussi, n'hésitez pas, faites vos demandes. On est là, comme il n'y a pas de pub, on a l'occasion de passer plus de musique. Hein. Donc profitez-en. Vous mettez le hashtag Mickaël maintenant sur le Twitter de l'émission. N'hésitez pas, hashtag Mickaël, et puis vous faites votre demande. Il n'y a pas de problème. Et puis j'en profite également eh bien, pour vous inviter à venir nous rejoindre hein, sur le Twitter de l'émission. Là, on est presque 10 000 là, ce soir. C'est bien pour l'émission qui est à moi. Eh bien, vous le tapez tout simplement maintenant. Twitter.com, donc ça vous connaissez le principe, et puis vous faites une recherche, vous tapez Mickaël officiel, voilà, Mickaël officiel, vous me faites un petit follow, et moi aussi je vous ferai un follow dans l'autre sens, sans problème. Il y a Véro également sur le Twitter qui dit, moi j'ai demandé à Siri et il m'a répondu, vous êtes superbe Véro, mais non, c'est vraiment vous qui avez le plus beau visage. Oh bah tu vois, il est gentil Véro. Il y a Manu aussi qui dit, Siri a commencé à déconner depuis que tu lui as parlé de Toff. C'est pas faux. Non mais c'est vrai en plus, hein, j'ai demandé ce qu'il pensait de Toff, il a bugué. Ouais. Il s'est arrêté, c'est un peu normal. Net, directement, c'était terminé. Bon, on aura le chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure avant 1h du mat. Donc si vous voulez jouer et gagner vos cadeaux, notamment la possibilité pour vous de repartir avec un petit stage de pilotage en F1 ou en Ferrari ou en Porsche, peu importe. Eh bien, à vous de jouer, vous vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000 ou alors 02 851 4x0. Nous aurons, nous allons prendre Norbert maintenant avec nous. Là. T'es là Norbert? Oui. Bon, très bien. Alors, Norbert qui est avec nous et qui appelle de Seine-Maritime. Alors, Norbert, avant de parler de ta cantine, est-ce que tu penses que tu pourrais faire aussi bien que le mec alors, est-ce que tu as du souffle? Moyen. Un petit peu, d'accord. Est-ce que tu penses que tu peux tenir plus que ce mec-là qui était très content hein, de son but? Écoutez bien. Oh putain, le truc il fait 19 secondes. Putain. Bon, tu penses que tu peux faire aussi bien Norbert en criant évidemment hein. Non. Non, tu penses pas. Attends, moi je vais essayer. La mollesse. En plus, je pense qu'il a la flemme. Ah ouais, je pense. Ouais. Attends, moi je vais essayer parce que j'ai dit à Tof. J'ai dit à Tof que ça avait l'air facile parce que j'ai quand même un bon souffle pour le coup. Mais. Ouais, mais toi, tu restes super longtemps en apnée. Ouais, mais d'accord. Tous les fumeurs hors jeu là. Ouais, bah déjà, ouais. Donc attends, je vais essayer. Vous pensez pouvoir le battre et peut-être me battre. Je sais pas si je ferais mieux ou pas, mais en tout cas, le battre déjà. À vous de jouer. Je vous fais un cadeau si vous y arrivez. Hein. Vous appelez. C'est... Merde, je suis en train de. Je suis en train de parler. Je pose mon micro sur le côté. On entend moins bien. Bon, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors attention. T'es prêt? Ouais, parce que je viens de parler super vite. Donc si je fais 15 secondes, c'est bon aussi. Hein. Ah non, non, non. Ah bah, si. Attends, secondes. Tu crois que je vais y arriver dans l'air ou pas? C'était déjà 7 secondes. Non, je pense pas. Ah, putain, tu pourrais me soutenir. Tu vas y arriver, putain, moi, je te soutiens, Nigel. Merci. Bon, alors attention. Je suis prêt. Il va se préparer. Ouais, Milan, un peu de souffle. Il croit dans un truc d'apnée là. T'sais. Demande à Cyril ce qu'il en pense peut-être. Non, il va pas être de mon côté, je pense. Attention. Donc c'était ça. Ok, je vais le mettre en même temps à la limite, comme ça on voit ou pas? Non, parce que. Bon, alors, faible, je le mets en même temps, faible. Mais un peu plus moins, un peu. Ouais. Voilà, comme ça. Un peu plus moins. Alors, attends, un peu moins fort. Bon, on y va. 3, 4. Donc j'imagine qu'il y a la règle qui met un but là, et attention, je fais. Go! Bravo! Bravo, Mike! Bravo! Alors, quel talent! Qu'est-ce qu'il est fort! Bon, j'ai fini l'émission, les mecs! À demain! Allez, ciao! Ouais, on est sans voix. Putain. Ah ouais, mais putain, ça m'a tué là! Ah ouais, je t'avais dit que c'était hardcore! Oh putain! J'ai trop chaud là! Putain, je vois des petites. Des... hey, je vois des papillons! Ouais, reste encore un peu, s'il te plaît! Putain, la clim là, pourquoi on met pas de clim dans ce souci? Parce que Sandro a froid, je te rappelle, c'est pour ça qu'on a coupé. Oh, je peux mourir à tout moment là. Bon, est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux que moi? T'as vu, hein, Norbert là, t'as pas cru en moi? Ouais. Ouais, ouais. Dis donc, Norbert, t'as pris un calmant, somnifère, il se passe quoi là? Quoi? Attends, Norbert, t'en la joue là? Quoi? Ah, c'est voilà. Mieux, non? Ça va mieux là ou pas? Ouais, ça va mieux. Je pense qu'il en va un deuxième. Attends, je t'en remets dans l'autre sens là. Voilà, là. Parfait. Ouh, putain, je suis mort, ça m'a tué ce goal de merde là. Et t'imagines, le mec derrière, il doit encore commenter, j'en sais rien, les 45 minutes suivantes. Oh putain, c'est violent quoi. Bon bref. Bon, alors dites-nous si vous pensez pouvoir me battre. Et oui, car 22 secondes. Oh. Et ouais. 22 secondes. Comment il c'est quoi? C'est un Brésilien? C'est un Italien? C'est quoi? C'est un Brésilien, je pense. Dans ton cul. Voilà. Voilà. Bon, donc, bon, si vous avez, si vous pensez pouvoir me battre, donc du coup, parce que c'est même plus le Brésilien, il faut battre moi là. Vous n'hésitez pas, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, on va jouer ensemble et je vous offre votre cadeau si vous arrivez à tenir plus de 22 secondes. C'est ça ce que j'ai fait, hein, monsieur le huissier. Oui, tout à fait. Tout à fait, très bien. Bon, Norbert. C'était formidable. Mais merci, huissier. Bon, Norbert, alors toi, tu voulais parler de la cantine. On en avait parlé en début d'émission, puisque apparemment, une cantine sur trois serait quand même limite en termes de propreté, quoi. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi, toi? Norbert, juste une question. T'as enterré ta famille aujourd'hui ou. Non. Non, mais je me demande, parce que comme t'es tout calme, t'as l'air tout triste. C'est la rentrée ou quoi qui te met dans cet état-là? C'est la rentrée. Eh Nono. Ouais, c'est me rigole. Ah non, mais c'est la rentrée alors, d'accord. Norbert, soulève ton bras, je vais te chatouiller en dessous là. Soulève. C'est bon là? Ouais, ça marche. Ouais, comme quoi ça fonctionne effectivement. Bon, alors du coup Norbert, qu'est-ce que t'as trouvé toi dans la cantine déjà? J'ai retrouvé des cheveux dans ma salade. Oh oui, mais ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est le peut-être cheveux, putain, c'est chaud. Hein. C'est mais peut-être une salade de cheveux. Oui, déjà, mais est-ce que t'es sûr que c'est pas tes cheveux? Parce qu'il y en a parfois aussi qui peuvent gueuler en disant « J'ai retrouvé des cheveux dans la salade !» Alors qu'en fait, ouais. C'est un choix toi, tu vois. Non, c'était pas les miens. Et c'est con parce que quand tu vois le cheveu, parce qu'un cheveu c'est un cheveu, quand tu vois un cheveu dans un plat, t'es dégoûté, mais quand tu vois le tien tomber, ou que tu reconnais le tien, parce que tu sais c'est la même couleur, c'est à peu près la même longueur, donc tu dis que c'est le tien, ouais c'est pas grave, tu l'enlèves, tu le mets à côté, tu continues à bouffer, c'est pas grave. Le pire c'est quand tu l'as. Dans la bouche. Putain, dans la bouche. Franchement, ça nous est tous arrivé. Sans savoir que c'est le tien ou pas. Ah, mais le tien ou pas, t'as envie de dégueuler quoi. Ah ouais, c'est là, tu sens qu'il y a un truc, tu dis. Quelle horreur. Donc, surtout que t'as l'impression que ça va te couper l'intérieur, tu vois. Parce que moi, quand même, attention, je tiens à le dire, je me suis déjà coupé avec un poil. Ah ouais? Je t'explique. Avec je me poil. Rase, je me rase. Donc, il y en avait partout. Coupé avec un poil. Non, mais sérieux. Je m'arde en public. Il y en avait, mais non, mais c'est vrai. Il y en avait dans l'évier. Et donc, tu sais, je rince, machin, tout le bordel. Et puis, tu sais, il reste toujours 2-3, même si tu rinces bien, il y en a toujours qui traînent. Et donc, après, je prends la brique de savon, tu sais, je me nettoie, je me lave les mains. Et puis là, tout d'un coup, tu sais, ça commence à piquer. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est quoi? Et puis là, je me rends compte que c'est une espèce de mini coupure. Je me dis, mais. Enfin, je l'aurais senti depuis tout à l'heure. Enfin, tu vois, j'ai rien fait de spécial. Et puis là, je vois un enculé de poil qui était collé sur la brique de savon. Ouais. Et donc, tu sais, quand tu retournes le truc, en fait, il m'avait coupé le doigt. Enfin, coupé le doigt. Il m'avait fait une petite entaille. Ouais, voilà, c'est ça. Putain. Donc, je me suis déjà coupé qu'un poil. Eh bien. C'est chaud. Alors, faites attention quand vous vous rasez, ça peut être dangereux. Choses, hein. Bon, pas avec la lame, mais avec le poil. On sait jamais. 25 points de suture. Non, j'irai pas jusque là, mais il avait un petit peu. Ouais. Tu parles de ça, je me suis ouvert la tête. J'ai eu 10 agrafes. C'est rien là. Bon, Norbert. Norbert, bon, et donc le poil, t'as gueulé quand même, rassure-moi là, t'as été un peu tapé scandale ou pas? Bah non. Bah il fallait, mec, moi je l'aurais fait, hein. T'as un cheveu ou un poil qui traîne dans ta bouffe, tu demandes un autre plat. Bah oui. Bah oui, il fallait essayer. Dites-nous les autres, tiens, si vous avez déjà trouvé quelque chose là dans votre bouffe là, t'as déjà. Qu'est-ce que j'ai trouvé moi dans ma bouffe? Bah ouais, des cheveux, c'est déjà arrivé. Toff, t'as déjà trouvé quoi toi? Moi des ongles. Oh, c'est chaud, des ongles. Ouais, en fait, c'est les cuisiniers, ils coupent, ils prennent le rond, c'est pour couper. Ouais, parfois ouais, ils passent au-dessus quoi. Ouais, non, mais en fait, ils frottent sur le rond pour couper super finement. Et en fait, là, je pense que le mec, il s'est coupé le doigt quoi. Ah, mais là, t'as pas eu le doigt, c'est déjà ça. Et il a pas retrouvé le morceau et donc il l'a laissé dans la bouche. Oui, un peu de viande supplémentaire, c'est gratuit, c'est parfait. Bon, attends, il y a Nicolas qui est là aussi, qui appelait pas du tout pour ça à la base, mais c'est pas grave. Nicolas. T'es ouais, là ouais. Bon, t'as déjà trouvé. Bah ouais, on va très bien. Ouais. T'as déjà trouvé des trucs dans ta bouffe, toi, à la cantine ou ailleurs, ou au resto? Non, jamais. Non, jamais. Bah t'as de la chance. Hein. Il y en a qui ont déjà trouvé des morceaux de doigts et tout. Hein. C'est dégueulasse. Hein. T'as déjà trouvé des trucs, toi, Polo? Des cheveux, peut-être, non? Ouais, cheveux. Ouais, mais cheveux, c'est encore le basique. Hein, mais à voir. Des cailloux. Ça m'est arrivé des cailloux, moi. Des cailloux? Ouais, ouais, c'est dans les lentilles. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Ah ouais. Tiens, c'est marrant ça. Des cailloux, il y avait quoi? J'ai trouvé des. Tu sais, dans la salade, là, des espèces de bestioles. Il y a toujours des bestioles dans la salade. Ouais. Et. C'est la fête. Un paquebot. Une fois dans la purée, j'ai retrouvé un paquebot entier. Paquebot. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. Bon, on sait jamais. Je sais que les gens. On ne sait jamais. Bon, bah écoute, reste avec nous, Nicolas. On va parler dans un instant de ta meuf qui veut pas te faire de fellation, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Bon, ben on en parle, putain, mon pauvre. Norbert, merci à toi d'être passé. En tout cas, tu reprends les cours quand, toi, demain? Ouais, demain. Oh putain. Bon bah. Tout le monde au lit, maintenant. Ah, il va falloir y aller là, Norbert. Hein. Ouais. Ah bah je ouais. T'as quoi? Je commence à 11h. Ah ça va, Benji. Oh ça va. Tranquille. Ouais, ça va, 11h. Hein. Ouais. Ouais, il commence à 11h. C'est quand même relativement tard pour le coup, effectivement. Bon bah écoute, profite-en bien, Norbert. Alors hein, ça sera pas comme ça toute l'année, hein, je te le dis. Hein. Ah bah merci. Bon bah salut, Norbert. Et tu reviens sur Fun quand tu veux. N'oublie pas demain d'ailleurs à 11h. Qu'est-ce que tu fais à 11h demain? Ouais, je me lève. Ouais, non, tu vas en cours, parce que si tu te lèves à 11h, tu vas être en retard. Mais surtout, t'hésites pas à prévenir tes potes également, hein, que sur Fun, il se passe enfin un truc le soir, 23h-2h, hein, d'accord? Et le dimanche, 20h minuit, je compte sur toi. Hein. D'accord. Bon, ça marche. Salut Norbert, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Bon, Vincent! Oui! Ah bon, très bien. On vérifie parce que Vincent a une longue route à faire, on vérifie qu'il dort pas. Hein. Ouais. Bon, bah très bien, parfait. On est son Sam. Bon, Vincent, t'es à quelle borne kilométrique là? Parce qu'en fait, il a déposé son téléphone sur le siège. Là, il me reste à peu près trois quarts d'heure de route. Trois quarts d'heure, donc tu devrais être là à 1h du mat, très bien. T'es à combien là? T'es à combien? Un kilomètre heure? Oh ouais, bah oui. 90, 100 pardon. Combien? 100. 100, c'est une route limitée à combien? 90. Hein? 90. Eh ben d'accord, ok, très bien. Eh ben voilà, un flash. Oh le flash pété. Oh non. Ça y est. Et hop, encore un. Eh ouais. Nickel. Ouais. Je vais faire une dédicace aux gendarmes de Mâcon qui m'ont même pas capté avec le téléphone à la main. Ferme ta gueule. Mais redépose le téléphone sur le siège, idiot, Vincent, là. Oh là là. Et là, ce qui serait bon, c'est qu'il l'écoute et qu'il l'arrête et qu'il voit pas quel téléphone sur le siège et on entend tout. Et là, c'est bon. Ouais. Ah ouais, ouais, parce que là, t'inquiète pas qu'ils vont débarquer, là. Hop là, regarde derrière, y'a pas une lumière bleue, là. Hein? Ah, Vincent, y'a pas une lumière bleue, là, derrière, là. Ah bah ouais, eh bah ouais, bah ouais, ils vont arriver, tu vas voir. Donc si vous êtes... T'es sur quelle route, là, Vincent, là? Attends, rapproche-toi du téléphone parce qu'on entend rien là, tu dis? Je dis c'est départemental. Laquelle? Laquelle? Attends, j'ai pas de panneau garois là. Bon bah si vous êtes agent, si vous êtes les flics à Mâcon là, il y a un mec qui tu roules dans quelle caisse, dans quelle voiture? Une Opel, je vois. Une Opel Corsa. Voilà, si vous croisez une Opel Corsa, ben bah, arrêtez-le hein. Il s'est foutu de votre gueule, il roulait avec le téléphone au volant. Quelle couleur? Quelle couleur la voiture, Vincent? Bleu. Bleu, très bien. Je pense que Vincent veut donner sa plaque d'immatriculation. Le début. Immatriculé dans le 71. Ouais. Voilà, très bien, parfait. Bon, ben comme ça, Opel Corsa bleu, si vous les captez, il est sur une départementale. T'étais tout près de où là? Vers Saint-Jean-d'Ardière. Très bien, bon, ben si vous êtes dans le coin, la police là, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Il vous attend et il est prêt. Hein. Il a fait bleu 3 infractions, je serai témoin. Je suis témoin à distance. Je suis témoin à distance. Bon, Vincent, on te récupère tout à l'heure, hein, t'endors pas, hein, d'accord? Ok, à tout à l'heure. Bon bah parfait, bah tout de suite. Bon allez, sur Fun Radio, au cœur Dieu, plus de 2 heures sans pub. On s'écoute maintenant avec la police qui est derrière nous là. Le son de Tapo et Raya maintenant sur Fun Radio, c'est Quita Tel Top sur Fun. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h du mat. Yeah, et vous pouvez aller voir hein, si vous voulez sur le Facebook, le Twitter et puis l'Instagram également. Je vous ai mis une petite photo qui prouve que je suis totalement concentré pendant l'émission et que ah bah oui, oh là là. Pendant les pauses, j'ai quand même une bouteille de d'eau. Oui. Voilà, mélangé avec un peu de d'autres trucs. Mais vous pouvez aller voir hein, si vous voulez. Facebook.com/Mickaël officiel, n'hésitez pas. Twitter également, là, venez, hein, je compte sur vous pour qu'on passe les 10 000 ce soir là pour une émission qui a plus d'un mois. Ça c'est quand même pas mal. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux tous les soirs. Donc venez voir ce que à quoi ça ressemble là. Twitter.com, vous tapez Mickaël officiel. Et puis si vous me faites un follow, je vous followerai également avec plaisir. Il y a Arthur qui dit attends, je préviens la police là pour Vincent. Très bien Arthur, merci à toi. Lucas qui dit attends, je vais essayer de le stopper avec ma 50, je suis à 15 minutes de Saint-Jean-d'Ardière. Ah ouais mec, avec ta 50, comment t'expliquer que t'es pas arrivé quoi. Il y a Jean-Bernard aussi sur le Twitter qui dit demain je me filme, je suis sûr, je fais 35 secondes, photo dédicacée, ça me va, sinon je t'envoie une de moi. Bah pourquoi pas, vous êtes géniaux, coup de lance-flamme et de bazooka sur Toff. Bien sûr, avec plaisir. Non, ça, voilà. C'est mieux là. Voilà. Il est en train de fondre. Te plaît ou pas? Exactement. Et Benjamin qui dit moi j'ai trouvé des vers dans ma bouffe. Ah bah très bien. Bon, et je rappelle qu'il y a toujours le record à battre là, hein, record à battre avec Pierre qui va tenter de me battre. Alors je rappelle que donc c'est un mec sur une télé, un commentateur sur une télé brésilienne qui a fait un goal. Donc genre une équipe qui marque un goal pendant 19 secondes. J'ai essayé de le battre et je suis arrivé à 22 contre toute attente. Quel talent. J'ai failli en mourir. Hein. J'ai failli décéder sur place effectivement. Et donc du coup. Ben nous avons avec nous Pierre qui est là et qui veut tenter sa chance. Salut Pierre. Oui, salut à tous. Comment ça va? Salut Pierre. Eh ben, ça va pas mal. Bon, ben, ça va. Bah écoute, ça va. Ça va et toi, ça va? Ben ça va, tu vois, en train de taffer là sur l'autoroute en voiture. Encore? Donc. Décidément, t'es sur quelle route toi Pierre? Comment? T'es sur quelle route toi? J'arrive à Clermont-Ferrand là. Ah très bien, t'es sur quelle route ou autoroute? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends très bien et toi ça va? Ah. Ça va ou pas? Ouais ça va, je crois que j'ai le réseau qui merde un peu. Ah oui effectivement, ouais. Mais t'es sur quelle route bon, là bon. T'es sur quelle route? Je suis à l'entrée de Clermont vers les pistes Michelin, tout ça. Ah d'accord, ok, très bien. Et sans quitte ma libre évidemment. Comment? Sans quitte ma libre. Ah non. Ah bah bravo. Bon, allez, on te balance. Hop là. Allez, hop, police. Moi, par contre, les mecs, si vous arrêtez les auditeurs, là, moi, je veux un pourcentage. Hein. Parce que, bon, c'est un peu facile, sinon il suffit de débarquer, vous prenez votre PV. Non, faut pas déconner quand même. Hein. Donc, la police de la route, là, je vous attends, là. Donc, l'autre, il est tout près, il est à l'entrée de Clermont, là, vers Michelin, tout ça. Et puis, Vincent, il est sur la départementale, là. Ah, on rigole pas, là. Bon, 71, on l'attend, on les attend également, là. Bon, alors, toi, tu penses, Pierre, que tu vas me battre? 22 secondes. Allez, on va le tenter. Bon, Bon, ben, on va le tenter alors. Hein. Donc, il faut crier goal. Il faut crier, hein, pas juste faire goal. Il faut vraiment crier, d'accord? Que genre, t'es dans un stade et t'es au taquet, t'es content, c'est ton équipe favorite qui a gagné, d'accord? Allez, ça marche. C'est quoi ton équipe favorite de foot, si t'en as une? Ouais, j'aimais bien Lyon, moi. Lyon? Pierre, c'est pas grave hein, si tu gagnes pas. Ouais, décède pas. Décède pas pour autant. Il y a que des mecs comme moi, assez con pour préférer crever mais gagner que de se dire bon bah j'ai perdu, c'est pas grave. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Allez, attention, quand tu veux. Go. Comme moi là, 21. Oh là là, Pierre, c'est bon ça. Une seconde en dessous de moi, dis donc. Une seconde en dessous. Ah putain, merde, je pensais que j'avais fait plus. Ah bah non, t'as fait moins. Ah bah voilà, c'est comme ça, hein, comme on dit à Bordeaux, t'as fait moins. Bon. Eh bah écoute, pas de problème, hein, pas de soucis. Bah tu reviens quand tu veux, Pierre, hein, dans l'occurrence, t'as pas gagné, c'est dommage. Ah bah tant pis, peut-être pour une prochaine fois. Eh ben sans problème, salut à toi Pierre, à allez, bientôt. Bonne soirée à tous. Allez ciao. Salut. Voilà, on a les jeux les plus intelligents de la bande FM, il faut quand même le savoir. On écoutera aussi dans... Non mais c'est vrai, on écoutera aussi tout à l'heure la Will.i.am là. Restez bien sur Fun Radio, je vous cale aussi Calvin Harris. Et je vous cale également notre son préféré avant 2h. Le son de Showtech avec Booyah. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, hashtag et Mickaël sur le Twitter, allez-y, balancez vos demandes. Et on écoutera des propositions à vous. N'hésitez pas tout à l'heure avant 2h du mat. De toute façon, on est sans pub là jusqu'à 2h du mat. Donc on est à la cool. Tu vois le à la cool? Ouais. Bah on est encore plus au-delà du à la cool. On est bien quoi. On est super bien, exactement. Il y a Mickaël aussi sur le Twitter qui dit « Moi j'ai découvert des poils de cul dans la purée. Oh. » Bon appétit bien sûr. Extra aussi sur le Twitter qui dit « Dans la salade, j'ai déjà trouvé un escargot tout petit. » Oh mais c'est la nature. Mais oui. Bah oui, voilà, c'est ça. Et Franck qui dit « J'ai trouvé un morceau de fer dans mon flanc. » Ah, oui, ça par contre, heureusement que tu l'as pas avalé, hein, pour le coup. Et Lucas qui dit « T'inquiète, Mickaël, il est pas d'origine, ma moto. » Ah bah alors, ça va, nous voilà rassurés. Et Clément qui dit « Moi, j'ai trouvé un bout de bois dans mes nouilles. » Et Jérémy qui dit « J'ai trouvé une dent dans mon riz. Oh. » Ah ouais, putain, une dent, quoi. T'imagines un peu le truc bizarre, bien glauque, quand même. C'est dingue. Et Wendy qui dit « Mickaël ou le seul mec capable de se couper avec un poil. » Bah ouais, écoute, j'ai pas fait exprès, hein, pour le coup. Mais c'était bizarre. Et Aurélie qui dit « Terrible, Mickaël, ton record du goal. » Eh oui, merci. Samuel qui dit pareil. Pauline aussi qui dit moi, il y a des poils dans la purée que j'ai déjà réussi à trouver. Let's Be Freaks, il dit bravo Mickaël pour le goal. Et Extra qui dit aussi bravo, j'avais des oreilles bouchées, maintenant je les ai plus. Eh ben au moins j'ai servi à quelque chose. Et c'est le principal. Bon, Nicolas. Oui. De retour, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu avant 1h du mat. T'as déjà entendu le chéri, je peux te faire cocu? Ah non, pas du tout. Oh, t'as jamais entendu le chéri, je peux te faire cocu? Ah non. Alors le concept est simple, hein. Si jamais vous voulez participer, on joue dans moins de 20 minutes, allez, dans moins d'une demi-heure, et ben il suffit simplement donc d'appeler son mec ou sa copine et de lui faire croire que ben on a envie de le tromper juste une fois, qu'en gros on a une meuf qui on a croisé une meuf, elle a proposé de coucher avec lui, et donc du coup ben, comme le mec est honnête, ou le meuf, ça dépend de quel côté on se place, eh ben on demande à son conjoint si oui ou non il nous autorise exceptionnellement à le tromper. Voilà, c'est ça le concept. Et généralement ça se passe plutôt mal. C'est-à-dire que les gens sont pas vraiment ouverts, quoi. Je comprends pas pourquoi, personnellement, mais oui. Voilà, parce que la semaine dernière, c'est en gros, hein, c'est ça ressemblait à ça, par exemple, si tu vois ce que je veux dire, le bordel. Hein. Quoi, mais tu vas... Oh merde. Faut que je te pète la gueule, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, t'appelles chérie? Voilà, donc ça s'était mal passé aussi, puis il y avait ça. Allô, le bazar, c'est qui ce connard là? Pourquoi tu t'énerves, bébé? T'énerves pas, ça sert à rien, t'énerves. Ah oui, c'était un con, puis il y avait aussi un petit extrait comme ça, tiens. Excuse-moi de quoi, va peut-être se reculer, ouais. Excuse-toi d'avoir été aussi grossier. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt bon enfant. Oui, toujours. On sent qu'il y a de l'amour dans cette. Il y a toujours de l'amour, beaucoup d'amour et voilà. Non, mais c'est très bien. Bon, Nicolas. Donc, on fera le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure avant 1h du mat. Comme ça, c'est fait. On est toujours au cœur de plus de 2h sans pub. Ça, c'est bien aussi. Et Nicolas, donc, toi, tu voulais nous parler de ta meuf qui ne veut pas te faire de fellation. Ouais, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette meuf? Comment ça se fait? Je sais pas. Donc bon, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Explique tout. Comment ça s'est passé la première fois que t'as voulu essayer? Qu'elle a dit? Elle a dit non. Elle a voulu essayer et elle aime pas. Est-ce qu'elle a jamais essayé? Ouais, dis-nous, voilà, dis-nous, donc, un peu... d'éviter le sujet surtout. Ouais, donc, mais il y a un moment, est-ce que tu lui as dit, bon, écoute, ça serait bien que tu la prennes en bouche, quoi. Merci Toff pour ce détail, des fois que les gens ne savent pas, hein, c'est comme ça que ça marche, effectivement. Non, mais ouais, tu lui as posé la question. Ouais, ouais. Hey, mais ne sache pas. Un coup de pelle dans sa gueule. Bah, en fait, une fois que oui. J'ai essayé... Attends. Voilà. Voilà. Ouais, donc une fois que tu as essayé, puis quoi? Voilà, et elle a commencé, et en fait, j'étais tellement excité que c'est tout sorti, en fait. Ah, d'accord, mais voilà. Ok, mais voilà, tu l'as inondé. La pauvre, t'as failli étouffer. Ouais. Bah oui, mais alors voilà, c'est pour ça en fait qu'elle veut plus, parce qu'elle est persuadée que ça va lui arriver à chaque fois. Alors je peux comprendre, hein, que ça l'ait perturbé là. Mais non, mais tu lui as pas expliqué que c'était un accident. Juste une seule fois en fait, c'était, voilà, elle a essayé, elle était d'accord et voilà. Non mais mets-toi à sa place, c'est juste une seule fois, attends. C'est comme si, alors imagine tu fais un cul à une meuf, et c'est juste une seule fois, mais c'est une femme fontaine, c'est-à-dire qu'elle te met un litre dans la gorge quoi. Dans la tête, ouais, comme on dit. Mais non, mais attends, mets-toi à sa place. C'est-à-dire que tu vas peut-être être moins tenté de réessayer. Tu vas peut-être avoir peur. Tu te dis, putain, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai pas envie, quoi. Ouais, je sais pas. Donc. Est-ce que tu lui as expliqué que c'était un accident et que il oui, y a pas bah de oui, souci? Ouais, j'ai déjà dit ça. Ouais, mais je sais pas. Non mais voilà, elle veut plus retenter, elle veut plus essayer. Mais oui, mais c'est parce qu'elle est, elle a un blocage. Mais tu sais, c'est comme des mecs. Moi, ça me fait rire. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Donc après, voilà, je comprends pas pourquoi ça change quelque chose. Mais tu sais, c'est comme des mecs qui veulent absolument quand leur meuf fait une fellation que la meuf avale. Tu sais, genre c'est primordial. Si jamais ça se fait pas comme ça, le mec prend pas son plaisir. Genre moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Que si elle a envie, bah le fait. Mais si elle a pas envie, on bat les couilles, quoi. Ça change rien. Enfin, je sais pas, ça change les choses pour toi, Taf et Polo, là. Ben si non. La meuf avale ou pas. Ben ah non, qu'elle avale, non, tant qu'elle prend et accepte la faciale, moi ça me va. Oh putain. Bon, en même temps, c'est ma faute, je lui ai posé la question, je savais que ça terminerait comme ça, donc voilà, c'est... D'ailleurs, je m'en mets une, là, tiens. Voilà. Ah, c'est chaud, hein. T'as pas l'habitude, c'est un peu chaud quand même. Enfin bon donc du coup voilà, donc je comprends pas pourquoi est-ce que ça pose un problème. T'es déjà tombé comme ça sur un mec, Sandro, toi, qui voulait absolument que t'avales? Non. Donc, alors, on sait bien que quand une femme dit non, c'est qu'elle veut dire oui, donc on l'a compris. Hein. Mais non, un mec qui voulait absolument, non, j'ai jamais été forcé, quoi. D'accord, ok. Non, mais tiens, mais pas forcé, mais c'est que genre le mec il dit ouais, mais si tu le fais pas, je vais moins kiffer, enfin tu vois. Non. En même temps, il y a aucun mec qui force Sandro, hein. Je te rappelle que c'est elle l'homme dans le couple. Hein. Ouais, c'est pas faux, effectivement. Et c'est vrai que c'est elle qui porte la culotte, quoi. On a bien compris. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout, effectivement. Dit-elle avec un grand sourire. Loin de là. Bon, donc du coup, voilà, donc c'est un truc que je comprends pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Luffy, justement, tiens, d'être tombé sur des mecs qui... alors, soit qui vous avaient enfumé en disant, ouais, mais c'est comme ça une fellation, tu sais, genre, voilà, le but, c'est que faut que t'avales, c'est ça, sinon ça marche pas. Et voilà, est-ce que vous, il y a des filles qui aiment bien, voilà, clairement, mais après, voilà, bon, moi, personnellement, c'est... Je m'en fous. Bah, en même temps, la meuf, elle peut recracher, et puis on n'en parle plus. Non, mais après, il y en a qui veulent pas, et je peux concevoir, tu vois. Et vous souvenez, hein, un jour, il y avait une Canadienne, je crois, qui nous avait raconté le baiser canadien. J'ai peur du baiser canadien. Ah, marrant, ça me rappelle rien, ça. Ah, ça te rappelle rien? Non, ça me rappelle c'est rien. Pourtant, il me semble que tu étais là quand elle l'a raconté. Hein. Bah, peut-être, mais et, c'est quoi? Bah, en fait, elle expliquait que le concept, c'est donc une fois que le mec a éjaculé dans sa bouche, c'est qu'en fait, il se roule une pelle. Oh! Tu vois, c'est pour ça que moi, je m'en fous, en fait, que la fille avale ou pas, parce que moi, ça me dégoûte, tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire que si la meuf, effectivement, fait ça, ça me ferait chier qu'elle revienne après. Allez, viens faire un bisou! Écoute, j'ai piscine, là. Je reviendrai tout à l'heure. Je reviens dans une demi-heure, là. Ne bouge pas, hein. Va prendre un peu de Colgate et puis ça ira très bien. Non mais voilà Nicolas, écoute, je pense que tu devrais expliquer et essayer peut-être de lui expliquer aussi. Attends, il y a aussi où est-ce qu'il est, bah, je l'ai perdu, tiens. Eh ben on l'a perdu. Chercher qui, hein? Bah quelqu'un qui voulait réagir à Nicolas là. Bah si, il est en 4. Ah d'accord, ok, très bien. Je doute que vu son âge, il est vraiment quelque chose de très... Bah je sais pas, il a appelé, hein, moi je le passe, hein. Oui, c'est vrai. Bon, salut Léo. Salut. Ça va Léo de Grenoble? Bah ça va super, et toi? Bah oui, ça va bien, tranquillement, ouais. Dis-moi Nico, alors t'avais un conseil à donner à Nicolas, toi, l'autre. Dis-moi Léo, pardon, t'avais un conseil à donner à Nicolas? Bah non, c'est pas un conseil, c'est plutôt une mise en garde, parce que moi ça doit faire un mois environ, on sortait d'une soirée avec une fille, on est allé se poser dans un champ. Ouais. Et donc voilà, elle a commencé à me faire une fellation et tout, c'était sa première. Ouais. Donc je sentais déjà qu'elle était mal à l'aise parce que au lieu d'y aller avec la bouche, elle y allait avec les dents. Grave, putain. Donc, on sentait ses dents qui raclaient sur ma peau et il y a quelque chose qui a dû la surprendre. Est-ce que ça faisait ce même bruit là? Non, pas non. Voilà. Genre le bruit de la fraise, non? Non. D'accord, ok, bon ça va alors, c'est qu'elle y allait pas trop fort avec les dents. Non, très bien. Au dernier moment, il y a quelque chose qui a dû la surprendre et elle a fermé la bouche et donc elle m'a menti. Aïe! Et donc maintenant tu as le gland décapité? Non, maintenant j'ai des grosses traces rouges dessus. Ah mon pauvre, je te plains. Ah bon, moi t'auras un souvenir de la vie, hein. Ah oui, là. Non mais c'est vrai, c'est quand t'auras ta nouvelle copine, elle va dire mais qu'est-ce que c'est que cette trace là? Ouais, j'étais mordu par un serpent. Non, j'étais dans la savane. Voilà, j'ai fait le Vietnam. C'était une blessure de guerre. Mais oh putain, la violence. Waouh. Bah écoute, ça m'est jamais arrivé. Je suis plutôt content à ce niveau-là. Bah écoute, merci Léo pour cette petite anecdote sympathique. De rien, écoute, hein. Ça m'a permis de serrer les cuisses quand même, hein, parce que malgré tout, tu vois, il y a toujours, enfin cette image que t'as en tête et tu te dis aïe. Oui, voilà. Là, maintenant, c'est lui qui va plus vouloir qu'on le suce. Hein, la bah, non, non, c'est bon. Non, non, ça ira, je préfère me branler, t'inquiète pas. Bon, bah, c'est une mission de guerre. Tu mets, exactement, ouais. Bon, bah, salut Léo, et bientôt, hein. Et salut, à la prochaine. Ciao, bye bye. Bon, on va vite se refaire la colle, là. On vous donnera la réponse avant 1h du mat avec Nemo qui est avec nous, là. T'es là, Nemo? Ouais. Bon, bah très bien. Alors attention, refais péter la colle. Je rappelle qu'il faut donner la réponse sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo avec la PS3. Eh bah, il suffit simplement de donner la réponse à la question de Nemo. On t'écoute. Comment les abeilles font-elles l'amour? Voilà, comment les abeilles font-elles l'amour? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez tout simplement la réponse maintenant par Facebook, facebook.com/mikaelofficiel, et vous laissez votre commentaire, enfin vous mettez la réponse en base de commentaire, hein, sur la photo où il y a la PS3. Comment les abeilles font-elles l'amour? C'est bien ça? Et pour réagir, moi j'ai trouvé du moisi dans mon fromage blanc. Ah ouais, mais ça c'est parce qu'il était, ouais, il était périmé, c'est tout, ils ont pas fait attention les mecs qui te le servaient. Ouais. Ah, tu l'as bouffé ou pas? Non. Ouais, mais tu sais pas, regarde, il y en a bien qui mangent du fromage moisi, tu vois, le truc bleu et tout, c'est ouais, dégueulasse. Mais c'est pas pareil, c'est fait pour. Ouais, mais c'est fait pour, enfin c'est dégueulasse quand même. C'est comme les Corses qui mangent le fromage avec les verres, ça c'est... Oh là là, quelle horreur. Ouais, c'est vrai, on avait vu ça quand on était en Corse. Ouais. Bon, mais merci Nemo, tu restes là, on va donner la réponse dans moins de 15 minutes, avant 1h du mat. Donc on saura si tu gagnes la PS3 ou pas, d'accord? Ok. Parfait. Allez, à vous de jouer. Vous balancez votre réponse maintenant. Comment les abeilles font-elles l'amour? Vous envoyez votre réponse maintenant, tout simplement, via le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Nicolas, tiens, juste une question. Tiens, la copine que t'avais là, est-ce qu'elle était contente de sa poitrine? Ou toi, est-ce que tu es content de ta poitrine? Ah ouais, nickel. Nickel. Non mais je te demande ça en fait parce qu'il y a un nouveau site là qui vient de sortir. Ça s'appelle My Free Implant, qui fait quoi à ton avis? Quoi, il offre des paires de seins. Non mais il n'offre pas des implants en fait. C'est un site genre My Major Company, mais pour les seins en fait. Donc ce sont les gens qui financent vos implants. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Donc pour les filles ou ceux de vos copines, peu importe, ou pour les mecs, enfin bref, peu importe. Donc venez nous dire les filles, hein, si vous iriez sur ce site pour vous faire refaire les seins. Et dites-nous si vous êtes content déjà de votre poitrine naturelle. Est-ce que vous la feriez refaire ou pas, pour la diminution, pour la faire grossir par exemple aussi. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Moi je suis pas très content de ma poitrine. On peut pas appeler des gens pour voir s'ils veulent pas. Ah si, si tu veux, ouais. Bah, à sortir, il est un peu tard. Donc si vous avez des numéros de gens qu'on peut appeler là, vous êtes sûr qu'ils vont décrocher ce soir, n'hésitez pas à les donner aussi au standard. Hein, 01 42, ouais, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je compte sur vous. Bon, au cœur de plus de 2 heures sans pub, on va s'écouter Gilo maintenant sur Fun Radio avec Pitbull. C'est Live It Up. Et puis on aura Mickaël qui va tenter de me battre au cri du goal pendant 22 secondes. Allez, à vous de jouer. Mickaël No Limit depuis 23h jusqu'à 2h du matin. C'est Fun Radio avec Gilio à l'instant, Live It Up. Bienvenue, si vous venez de débarquer, je vous cale tout à l'heure le son de Will.i.am. Eh, ça va arriver, hein. Et puis si vous voulez écouter des sons, alors c'est marrant parce que vous proposez tous le son de Chotek qu'on écoutera tout à l'heure évidemment là, avec Booyah. Voilà, Showtech avec Bouya sera tout à l'heure sur Fun Radio avant 2h, promis. Et si vous voulez choisir d'autres sons, ou si vous kiffez celui-là, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël maintenant sur Fun Radio. Et puis vous mettez le son que vous voulez entendre. Et puis je compte sur vous, j'aimerais qu'on passe 10 000 ce soir grâce à vous là sur le Twitter pour une émission qui a un mois. C'est cool, ça fait plaisir. Ah bah, continuez à venir. Vous tapez Mickaël officiel sur le Twitter. Et si vous me faites un follow, eh bien je vous followerai également avec grand plaisir. Il y a Poupoulinette aussi qui dit moi je suis fier de ma poitrine car j'ai deux piercings tout mimi. Ah bah très bien. J'aimerais bien une photo. Sans déconner. Polo@funradio.fr. C'est ça. Emeline aussi qui dit 110E, très bonne poitrine, mais je commence. Ouais, de quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que vous faites au standard là? Ça, ouais, c'est le stagiaire. C'est un pirate, mais ça, c'est le stagiaire, il a fait de la merde, c'est sûr. Y a quoi aussi? Poupoulinette qui dit le truc horrible, le mec qui pousse ta tête ou bouge son corps pour que tu lui fasses une fellation. Oh merde. Ouais, ça c'est, ouais, c'est genre, tu sais, les mecs qui se prennent pour qui s'imaginent dans les films de cul. Abby aussi, sur Twitter, qui était toujours aussi dégueulasse, mais on t'aime comme ça, tof. Et Arthur qui dit, on peut vous suivre par Minitel. Bien sûr, hein, 36-15 fin de radio. Il va peut-être exister encore ce truc-là. Hein. 2,19€ la minute. Et Let's Be Freaks qui dit, mais bien sûr que tu vas y arriver, Mickaël, je crois en toi. Et alors, moi j'ai trouvé une fève dans une galette. Original. Ah, c'est très très très original, effectivement, ouais. Bon, alors attention, on va récupérer. Il y a Orlando qui est avec nous là. Bonsoir Orlando. Ouais. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bah, ça va tranquille, t'appelles à Toulouse quoi. Toulousing, va bien Toulousing? Ouais. Bon, très bien. Alors, tu voulais réagir, bah, tu voulais parler de quoi toi? Dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Tu parlais de l'iPhone, je sais pas quoi. Ah, ouais, on a demandé à Siri tout à l'heure là. Ouais. Siri. Sur l'iPod là, il marche plus. Sur quoi il marche plus sur l'iPod? Il y a plus de batterie. Ah, il y a plus de batterie. J'ai pas de chargeur. Mais je comprends pas, quel est ton problème? J'ai plus de chargeur. Ouais. Mais et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben en fait, je voulais Ah, mais il est parti, très bien. Écoute, merci, c'était magnifiquement intéressant, Orlando. Ah, non, mais il voulait jouer, faire le truc de Siri. Ah, il a plus de batterie, d'ailleurs. Mais enfin, il était pas obligé de nous raccrochonner, Orlando. Il aurait pu l'expliquer plus clairement. Je le rappelle. Ce n'est pas grave. Non, écoute, c'est pas grave. On va prendre le gagnant aussi dans quelques instants, là, sur le Facebook. Là, continuez, hein, si vous voulez tenter votre chance. Il reste 10 minutes. facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, on va récupérer Nemo dans un instant. Là, comment les abeilles font-elles l'amour? Si vous avez la bonne réponse, facebook.com/mikaelofficiel. Et si vous avez la bonne réponse, tout simplement, vous repartirez peut-être avec votre PS3. Je vous calerai aussi les dégâts. Voilà Lady Gaga avec Applause. Allez hop, c'est à écouter tout à l'heure sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute de Fun. Bon, et minuit 51, on est au cœur de plus de 2 heures sans pub, là, ça fait quand même plaisir, bon, ça arrive pas sur les autres radios, ça, hein. Ça n'arrive pas, évidemment, hein, il s'est toujours fait entrecouper de tout et n'importe quoi. Arthur qui dit, tu nous avais promis applause au fait, Mickaël. Bah t'as vu, Arthur, les grands esprits se rencontrent, je viens d'en parler là. Et Mimi aussi sur le Twitter qui dit, j'ai essayé chez moi à côté de la chambre de mes parents qui dorment, je suis privé d'ordinateur. Merci Mickaël. Ben voilà. Bah oui, mais bon, il faut faire ça. Faites ça dans votre tête si vous pouvez pas faire ça trop, si vous pouvez pas faire trop de bruit, que je vous dise moi. Bon, avant le chéri, je peux te faire cocu. On a le retour de Nicolas. Bah il est où Mickaël? On l'a perdu là. Il y a Mickaël qui voulait faire. Qui voulait tenter de me battre. On va essayer de le rappeler dans un instant là, le Mickaël qui voulait tenter de nous battre. C'est ce que je voulais dire. Bon, toujours là Nicolas? Ouais, toujours là. Bon, parfait. Alors donc toi, par rapport à ta meuf qui veut pas faire de fellation là, bah il y a plein de filles qui sont arrivées aussi en disant que Toff est un gros dégueulasse. Ça c'est une certitude. Je ne comprends pas pourquoi. Et pour moi, il y a rien du tout, non? Non, mais en fait, si, il y a des messages qui sont arrivés, mais ils sont effectivement plutôt d'accord avec moi, dans le sens où, effectivement, il vaut mieux que t'ailles en parler avec ta copine. Est-ce que tu l'as déjà fait seulement en disant que t'avais eu un accident, que normalement, ça sort pas, enfin, en tout cas, que tu peux la prévenir? C'est juste ça, c'est qu'il faut prévenir la fille. Si elle veut, après, elle le fait. Mais si elle veut avaler, elle le fait. Si elle veut recevoir en bouche, elle le fait. Mais c'est elle qui doit choisir, tu vois? Non, mais elle veut même pas y parler. Ouais, mais ça, elle est terrorisée. Ouais, hein. Voilà, en tout cas, bravo, parce que j'imagine que tu feras pas ta vie avec elle. Donc, c'est-à-dire que je pense au mec qui va passer derrière, je pense qu'il peut t'en vouloir. Hein. Non, mais après... Ah, tu l'as tué, la fille, là, la pauvre. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Ah, tu l'as tué. Mais enfin bon. Bon, et donc, si vous avez des conseils à donner éventuellement, les filles, là, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ne bouge pas, Nicolas. On a également, Abdel maintenant pour le goal. Et Abdel, bonsoir à toi. Comment ça va? Bonsoir, ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ça va bien, ouais. Attends, Abdel, je m'inquiète là. Il est plus là, notre Vincent, là, qui était sur la route, là. Il s'est craché ou quoi? Mais ouais, attends, je vais le rappeler. Bah oui, on va essayer de le rappeler, là. Non, enfin, on sait pas. Bon, Abdel, ça se trouve, on le rappellera plus. Si, hein. Ce numéro est inutilisé. Oh merde. Bon, Abdel, sois le bienvenu, 27 ans. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir me battre au goal plus long? Bah, je vais essayer, je pense pouvoir te battre. C'est quoi le record déjà? Alors, le record, c'était un Brésilien qui avait fait 19 secondes. J'ai essayé de le battre et en essayant, j'ai fait 22 secondes. Donc, le record, en tout cas, de l'émission, c'est 22 secondes. Bon, on va essayer. Donc, c'était faire un goal comme ça, comme si t'étais vraiment dans un stade. Voilà, ça a duré 19 secondes, moi j'en ai fait 22, donc à toi de jouer maintenant, hein. T'es prêt? Ok, ouais. Alors Abdel, attention, respire un bon coup, 3, 2, 1, go! Go! Il va pas y arriver. Hein, on a 10 secondes. 15. Ah, ah. Oh non, 17 secondes. Misérable. Mauvais. Abdel, tends la joue. Abdel, tends la joue. Tu l'attends là? Tends la joue. Ah, c'est voilà. Mal. C'est déjà mal. Eh bah oui, bah c'est tout ce que tu méritais. Oh, 17 secondes, Abdel. Pourtant, je me suis échauffé. J'ai fait. Bah ouais. Alors que moi, t'as vu, je l'ai fait comme ça à l'arrache. Hein. Eh oui, mais je reste le roi du goal. Incontesté. Exactement, exactement. Je l'aurai un jour. Bah ouais. C'est ça. Bon, ben Abdel, bien tenté, mais c'est raté. Hein. Ok, y a pas de souci, ça. Bon, bah, tu réessayes quand tu veux, pas de problème. Salut Abdel, à bientôt. Yep. Merci, au revoir, salut. Allez, ciao à toi, bye bye. Et puis on a Diane qui est avec nous, là, qui voulait réagir à Nicolas. Salut Diane. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, ben bienvenue à toi, Diane. Avant de faire le chéri, je peux te faire cocu dans un instant. T'as entendu ça, le chéri, je peux te faire cocu, Diane? Ouais, je l'entends. Ah, tu peux me dire non si c'est pas le cas, hein, ça me dérange pas, c'est pas grave. Hein. Non, mais. D'accord, non, mais c'est pour être sûr, parce que tu sais, parfois, il y en a parfois qui disent ouais, mais tu dis oui à tout, etc. Donc non, on est à la cool, hein. Si t'as pas entendu. C'est une nouvelle émission qui a un mois, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vois, on est à la cool, on est entre potes. Bon, alors, Diane, tu nous appelais pas pour ça, mais pour prévenir les autres que ça va arriver dans moins de 5 minutes, là, le chéri, je peux te faire cocu. Alors Diane, toi tu voulais réagir à Nicolas, là, sa meuf qui veut plus lui faire de fellation, hein, c'est-à-dire qu'en fait elle en a fait une et comme lui bah il était tellement excité, il a pas pu se retenir et donc du coup bah tout est arrivé dans la bouche. Résultat, elle est perturbée, ce que je peux concevoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Diane? Est-ce que toi tu refuses de faire des fellations? Bref, dis-nous tout. Alors non, enfin moi ça m'est arrivé, oui, la première fois que j'ai fait une fellation à mon copain. Ouais. Et en fait, je vais en ai fait d'autres parce qu'il aime bien. D'accord. Et le problème, c'est que bah il aime quand j'avais son sperme. Et comme c'est un goût assez spécial, enfin moi j'aime pas trop, mais bon je le fais parce qu'il trouve que c'est différent quand je le fais pas. Ça c'est marrant, ça. C'est un truc, moi je comprends pas comment est-ce qu'un mec peut vraiment kiffer ça. Mais ça c'est une connerie, ça c'est les films porno qui ont habitué les gens ouais. à... Non, c'est de la merde, ça parce sert que, à rien. Parce que moi je m'en fous, ça change rien dans ma vie, enfin c'est je m'en bats les couilles quoi. Si la meuf elle le fait, c'est parce qu'elle a envie de le faire, bah tant mieux, moi, ouais. Si je peux rendre service. Mais... Non mais tu vois ce que je veux dire. Si je peux donner un peu de breuvage à cette jeune fille... Non mais ça, c'est vrai. Si je peux couper, étancher sa soif... Tu parles, quelle horreur. Non mais ça c'est parce que tu le fais toujours dans ton lit toi, mais si tu faisais comme moi dans des endroits un peu, tu vois, un peu bizarres, je peux t'assurer que tu serais content que la meuf elle ça t'évite d'en avoir plein. Mais non, mais pour ça, c'est le côté pratique. Mais je veux dire, sinon, dans l'absolu, je prends pas plus mon pied si elle avale ou si elle avale pas, je m'en branle. Mais par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous prenez la tête. La meuf, elle peut, tu vois, elle peut garder en bouche et voilà, elle est pas obligée d'avaler, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, son problème. Ouais, ça fait le même effet pour le mec. Ce qui est kiffant, en fait, dans le truc, moi, je comprends, c'est qu'en fait, elle garde tout en bouche et que donc, t'as l'impression qu'elle aspire, quoi. Mais elle est pas obligée d'avaler. Elle garde en bouche et puis elle va cracher. Le problème, c'est que quand tu aspires au niveau de du gland quand il éjacule, t'as tout qui va dans la gorge. Ah oui, bah après tu croches. Ben si ça va dans la gorge, ça va dans l'estomac. Puis voilà, tu peux pas cracher. Et puis tu l'as avalé, et puis on en parle plus, tu le chieras demain. Oh, tof, putain, quel dégueulasse, quoi. Non mais sérieux, bon Diane, comme t'es une fille, tu vas peut-être pouvoir te donner un meilleur conseil à Nicolas. Imagine que tu sois terrorisé par ça justement parce que bah il l'a fait, il t'a pas prévenu, bref. Et qu'est-ce que ton mec devrait faire pour que tu tentes quand même de réessayer au moins une fois et. Bah déjà attendre que je sois prête et puis lui dire quand il vient et que moi je puisse me retirer. Oui, bah voilà, oui, ça mais paraît. Nicolas, tu veux pas qu'on l'appelle, on lui explique. Moi, je lui ferai un petit cours, vite fait. Oh, super, voilà le meilleur, pire conseil que tu puisses donner, tiens. Mais pas du tout, je lui expliquerai. Ouais, ouais, je lui expliquerai la bonne méthode. Vaut mieux éviter, je crois. Ouais, il vaut mieux éviter, t'as remarqué aussi, toi. On est plutôt d'accord à ce niveau-là. C'est bien. Là, là. Si vous saviez tout ce que j'aurais pu vous apprendre sur la fellation. Mais oui, bien sûr, là, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Jamais tu n'auras sucé un mec aussi bien qu'après avoir passé. Arrête ton cinéma, c'est comme quand toi, tu n'arrêtes pas de dire que c'est un bon plan, un bon pion. C'est une merde. Ouais, voilà, c'est ça. Arrête un peu. On cinéma, sait, là. Nous on a des dossiers. Voilà, exactement. Je vous recommande mon cours d'éducatif sexuel, la top school. N'importe quoi. Bon, bah Diane, merci à toi Nicolas, bon courage en tout cas, tiens-nous au courant, hein. Tiens-nous au jus. Ouais, ok, pas de problème. Et je peux savoir, est-ce que c'est possible de faire le goal là, tout de suite maintenant? Ah bah vas-y. Attention, il y a un record à battre là, attention, minuit 59. Je te garantis, je te fais gaffe parce que tout le monde a dit pour l'instant, tout le monde s'est lourdé. Hein. Écoute-moi bien. Il faut faire le goal plus de 22 secondes non-stop comme si t'étais dans un stade. Attention, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Il va se tuer en. Eh oui, 5 secondes. Ils sont 10 ou quoi? Mais non. Ta gueule. Ah dommage, 21 secondes encore une fois comme l'autre. Hein. Eh, si je te jure. Mais par contre Nicolas, bravo hein, parce que là. Ah ouais, il y avait du coffre. Ah bah mec, c'est-à-dire que moi j'ai plus que toi, mais en termes de gueulage, tu m'as niqué. Hein, là, de là, je dois bel admettre. On mérite pas un petit cadeau, non? Non. Impossible. Ah non, là, attends, j'ai beau réfléchir là encore une fois. Il a pas gagné là. Ah bah non, là, il a pas gagné. T'as pas battu le record. Ah non, là, une seconde près, ça fait deux hein, qui sont à une seconde près, c'est dommage. Je vais faire une petite dédicace. Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins. Une dédicace à tout Saint-Etienne, tout la Talon, Rive de G, Grand Pont. Et voilà. Très bien, eh ben, le message est passé. Bonne soirée à tous. Salut Nico, à bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Ciao. Et Diane, merci à toi, gros bisous. Hein. Gros bisous, salut. Salut Diane, et n'oublie pas de prévenir tes potes hein, quand tu rentres en Bahut, là qu'on est là de 23h à 2h tous les soirs et dimanche également de 20h à minuit. T'inquiète, ils sont tous au courant. Parfait. Salut Diane, gros bisous, je t'embrasse et bon courage pour la reprise. Merci. Ciao, salut. Allez, bye. Dans quelques instants sur Fun, ben on va appeler des gens là pour voir si Toff éventuellement peut négocier une nouvelle poitrine. Bah oui. Parce que la sienne n'est pas terrible. Non, je trouve que je manque un petit peu de ça. Bah c'est ça, faut le dire quand même. Hein. Et puis on va s'écouter le son de. Showtech, maintenant au cœur de plus de 2 heures sans pub. Ça vous manque la pub ou pas? Non. Ouais. Oh, genre. Ah oui, pour l'oseille, mais t'en fous, tu touches rien, toi. Bon, ah, Showtech, maintenant qu'on écoute sur Fun Radio, là, vous l'avez demandé en masse sur le Twitter en mettant le hashtag Mickaël sur twitter.com, là. Eh ben, on va se l'écouter maintenant, on vous l'avait fait découvrir jeudi sur Fun Radio. Booyah! Yes, all we care about is party, keeping them good vibes in the end. Ah, la grosse tuerie de Showtech à l'instant, bouillard sur Fun Radio. Eh ben, on se le remettra peut-être tout à l'heure avant 2h. Tiens, on verra avant de partir, ça peut être pas mal, hein. Hein, c'est vrai, une petite sieste comme ça. Ça, tu peux aller dormir et tout avec le son de Bouya et tout, c'est cool. Showtech à l'instant, on est toujours au cœur de plus de 2 heures sans pub. Et avant de faire le chéri, je peux te faire cocu avec Baïva dans un instant. Il y a Nemo qui est avec nous, là. Allô, Nemo, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais, tant mieux, très bien. Il est. Ouais, c'est ça, ouais. Quelle vanne de merde. Bon, Nemo. Ouais. On va jouer Nemo, okay. T'es prêt? Ouais. Bon, parfait. Musique, attention, c'est parti. Alors, on y va, on appelle maintenant un gagnant ou une gagnante, quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite avec la bonne réponse, évidemment, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On y va. Si la personne qu'on appelle a la bonne réponse, elle gagne. Si elle décroche, pas, elle perd, évidemment, et tu gagnes, Nemo. Et on y va. Je croise les doigts pour toi. Il y a la PS3 qui est en jeu quand même. Attention. Évidemment, il est 1h du mat là. Donc forcément, 1h05 là. Peut-être... Allô. Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? J'appelle Romain, j'appelle. C'est Romain, c'est ça? Ouais, Romain de Clermont-Ferrand. Ah bah très bien, Romain de Clermont-Ferrand là. T'as la bonne réponse à la petite question de Nemo là. Nemo, vas-y, répète la question. La question, c'est attends, par rapport attends, aux attends, attends, Romain, vas-y, répète Nemo. Comment les abeilles font-elles l'amour? Comment les abeilles font-elles l'amour? Dardar, c'est une blague, c'est ça Nemo? Ouais. Mais sérieux avec cette réponse pourrie hein? Ouais. Oh là là. Bon, eh ben bravo Romain, tu repars avec la PS3. C'est vrai, sérieux? Eh ouais mec, t'as dû t'inscrire. Eh, t'as donné la bonne réponse sur le Facebook. Eh ben, c'est génial. Ah ben voilà, il y en a plein qui demandaient aussi. Ouais, mais comment est-ce que vous faites? Je suis sûr que c'est des faux auditeurs que vous prenez. Non, je vous explique en fait. Non, franchement, c'est pas ça que je joue et nickel. Hein, eh ben voilà. Non, mais en fait, je vous explique comment ça marche parce qu'il y en a qui disent ouais, mais sur le Facebook, on n'a pas nos numéros de téléphone. Comment vous faites pour rappeler les gens? Ben en fait, on envoie un message privé avec le numéro et on demande le numéro de téléphone. Voilà. Donc si vous nous l'envoyez. Voilà, ben, en fait, j'ai envoyé Dardar avec mon numéro de téléphone. Je marquais Romain Clermont. Eh ben voilà. Eh ben écoute. Eh ben Romain, bravo à toi en tout cas. Tu repars avec la PlayStation 3. Bravo Romain. Bah écoute, merci. Et puis fasse un petit dédicace. Eh ben vas-y, profites-en à une personne, attention. Un dédicace à tous les tous mes chauffeurs routiers de chez Galvin. Très bien, eh ben le message est passé. Merci. S'en prie. Salut Romain. Vas-y, vas-y Nino, t'auras gagné ça au moins toi. Salut, vas-y. Eh ben je fais une dédicace à mon pote Théo qui est passé hier à la call. Ah bah il a perdu aussi hein. Ah non, lui il a gagné non? Non, il a gagné, ouais, c'était le répondant. Ah oui, il avait gagné, ouais. Bah attends, bah tu feras une partie de PS avec lui alors, c'est bien. Ouais, et il y a toutes les. Et est-ce que je pourrais avoir un Pac-Fan? Bon allez, vas-y, on va t'enfiler un, c'est bon. Et à tout le collège Pierre Mendès France de Marc aussi. Ça marche, bah le message est passé, y a pas de souci. Bon bah salut à toi Nemo hein. Salut. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon ben retour de la colle demain avec des cadeaux évidemment à gagner. Et je rappelle que il y aura encore aussi tout à l'heure un stage de pilotage à vous filer. Donc si vous voulez gagner, je file le stage de pilotage à celui qui va me battre au goal. Ah ouais, quand même. Ouais, ça va, pilotage. Ouais, pas mal. Alors il y a deux trucs, hein, soit parapente, soit pilotage course voiture, soit un stage de cuisine si vous voulez épater votre meuf ou si vous êtes une meuf on et que vous êtes faire pas des terrible. Gâteaux. Tu peux faire des gâteaux si tu veux, ouais. Donc voilà, je vous file un de ces trois stages-là si vous arrivez à me battre au goal où j'ai fait 22 secondes en criant non-stop et en gueulant goal. Voilà, je compte sur vous. Et puis là, on va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu maintenant. C'est avec Maëva qui est là. Comment ça va? Bah ça va, ça va. Bon bah tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, 21 ouais. ans donc et un petit chéri, je peux te faire cocu Maëva qu'on va faire maintenant. Et on va appeler monsieur, donc c'est ça? C'est ça, ouais. Bon bah t'as vécu depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'un an. D'accord. Ah oui, ça va, ça non, va, c'est déjà pas va. Mal. Alors, vous habitez déjà ensemble ouais, ou pas? Ouais, on va se marier. Non, oh, déjà. C'est mignon. Non, t'es sérieuse? Ouais, on doit se marier le 14 septembre 2014. Mais pourquoi? Non, le 21, pardon. Ah, déjà, j'ai oublié la date, ça commence bien. Mais pourquoi? Et pourquoi? t'es pas obligé, tu sais. Obligé, mais oui. T'imagines, t'arrives là comme ça, monsieur le curé il arrive, hop là, voulez-vous prendre pour époux? Imagine, puis après nous on sera dans l'église, on va dire ouais. Non pas maintenant. Et voilà, et on va tout foutre par terre. Enfin non, tu me diras, il y aura peut-être pas de mariage après le chéri, je peux te faire cocu, hein, donc ah, bon. Voilà. Non mais c'est vrai. D'autant plus que toujours pour choper une PlayStation 3, ça va faire plaisir à ton mec en plus, c'est bien. Ah oh, super, ouais. Et ça se trouve, ce sera peut-être la cause de divorce. Il va rester toujours derrière la console. Grave. Il joue trop. Il me fait chier. Il s'occupe jamais de moi. Bon bah Eva, on va l'appeler. Donc on va lui faire croire évidemment que je suis un mec très classe qui t'a demandé de coucher avec toi et que toi évidemment comme t'es une fille classe, tu lui demandes s'il est d'accord quoi. Voilà, parce que comme t'es une fille bien, tu lui poses la question histoire de pas faire ça dans son dos. Ça marche, ouais. Voilà, ce qui est quand même vachement sympa de ta part. Ouais, non, c'est vraiment trop sympa. Non, mais c'est vrai. Non, c'est une meuf, c'est sympa quand même. Ah, attends, c'est plus que sympa c'est même. Parce que tu l'aimes. Exactement, et exactement. Tu es une fille sérieuse et tu veux pas faire n'importe quoi et donc voilà. Tu lui demandes son autorisation. Tout à fait. Bon. Elle est pas belle la exactement. Vie. N'est-il pas. Bon, on y va. Tu veux un petit coup de pipeau avant pour te mettre dedans ou pas? Allez, un petit coup de pipeau, Polo, on y c'est va. Pour toi, pour le mariage, voilà. pour la rupture d'ailleurs qui va aussi. Se passer dans quelques instants. Allez. Et pour tout ça, on y va. 3, 4. Voilà, le pipeau est fait, on va pouvoir appeler ton mec. En fa dièse. Hein. Alors, je suis censé t'avoir rencontré où, dis-moi? En fait, je vais lui dire que je suis allée dans un magasin téléphonique parce que j'ai un petit souci avec un opérateur et que, en fait, c'est mon ancien voisin qui travaillait. Donc, il a été remplacé par toi. D'accord. Merci. Et donc, t'es chez quel opérateur au cas où il demande? SFR. D'accord, très bien. De quoi? Juste la mauvaise pub, hein. Bah elle pourquoi? Non, parce que j'ai des problèmes avec eux, donc... Oh, mais tu sais, fait... tout le monde a des problèmes avec tous les opérateurs. Hein. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Bon, on va y aller, Maëva, c'est parti. Et puis, bah, alors, évidemment, on est chez moi. Hein. Ouais. T'es passé boire un verre. Il est où, là, d'ailleurs? Il travaille? Il fait quoi? Bah, soit il est avec ton pote, soit il est à la maison, mais bon... Parfait. Bon, donc, t'es chez moi, et puis voilà, on boit un petit verre, quoi. Je t'ai invité et puis voilà. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle, bonne chance. Nous on est derrière, je te laisse faire au début. Donc précise bien que c'est le chéri, est-ce que je peux te faire cocu, hein, d'accord? Ça marche. Voilà, donc il faut que ça rigole évidemment, donc fais pas un truc à style limite drame, histoire dramatique évidemment. Je préfère préciser, on sait jamais. Non, parce qu'il y a déjà qui sont arrivés. Chéri, allô, c'est un drame. Allô, mon car? Oui, ça va? Oui, ça va, ça. Oui, il y a dit oui, beaucoup va, moins dans un instant. C'est bon. C'est quoi?

Non, mais je vais prendre la voiture, je vais à la Toulouse, je m'en bats les couilles, j'ai été trouvé. Oui, bon, enfin bon, la ville est grande quand même, hein. Certes, c'est pas la capitale, mais tout de même. La nuit est longue, j'ai été trouvé, t'inquiète. Ah, bah, il faudra plusieurs nuits quand même, hein. Enfin bon, bref. Ouais. Ah, mais quand même! Eh ben, elle est là, la championne! Eh ben, dis donc, tu te fous de ma gueule, Maëva, là! C'est quoi ça? Je t'avais demandé un coca avec des glaçons, tu me ramènes, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Oh, tu l'as pas dit, toi? Non, c'est bon, je me suis un peu emporté, là. Bon, je te la passe. J'étais crevé. Allô? Oh, c'est qui ce PD, là? Qu'est-ce que tu fais dans la Toulouse, là? Allô? Bon, oh, qu'est-ce que tu fais à Toulouse, là? Hey! Oh! Attends, il arrive, je vois. Hey, du gaz dans la bouteille, là, c'est sérieux, ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est quoi à Toulouse, elle a PD, là? Que moi, la cuite que j'ai ramenée hier, au moins, elle savait servir, hein. Oh mais dis-lui qu'il ferme sa gueule, l'autre Michel de merde là, qui lui casse la gueule, il m'entend ça, c'est bizarre ça. Oh Maëva! Tu vas appeler les flics, la grosse merde là, tu vois. Eh Maëva! Oh! Oh! Arrête de gueuler dessus, grosse merde là, putain, mais arrête de gueuler dessus, putain, j'étais crevé mon pote. Oh! Mais tiens, hein. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Maëva, t'es où là? Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il veut lui, putain? La chance qu'il a, mais ferme ta gueule, putain. Maëva! Arrête de gueuler dessus, putain, il est fou ce mec, hein. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Mais ferme ta gueule, la chance de quoi? La chance de quoi? La chance que tu te casses les dents, ouais. Non. Ah parce que finalement tu l'as quand même prévenu, t'es quand même une fille sympa, quoi. T'aurais pu faire ça dans son dos. Dans mon cas, je peux, ça. Allô? J'ai rien fait encore, je t'appelle pour te... Mais t'as rien fait encore, mais encore heureux, mais t'es où, là? Dis-moi où t'es, je vais monter, là, je vais l'enculer, l'autre, là. T'es où, là? Oh, dis donc, qui est le pédé, histoire. Mais ta gueule toi, putain, je parle pas à toi là, je ferme ta gueule, je vais parler à ma femme, d'accord? J'ai mis le haut-parleur, hein, comme ça j'entends tout. Ouais, mais comme ça, ouais, mais c'est bien, j'entends tout, parce que... Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? Mais ferme ta gueule, la chance de quoi? Mais qu'elle te prévient! Oh, il est bête! Il me prévient, mais je m'en bats les couilles qu'elle me prévienne, putain. Bah t'aurais préféré qu'elle te le cache. Mais ferme ta gueule, je vais pas parler à toi. Non, mon cœur, calme-toi, franchement. Bah, ça peut être où? Non, je me calme pas, là, t'es où à Toulouse? Des personnes me disent, je monte à Toulouse, là, t'es où à Toulouse? Attendez, on va se marrer. Je suis chez Michel. Connard, là! Non, quoi, connard? Mais il est sérieux, lui, en plus, il m'insulte, ce gros PD, là. Il veut, putain, il veut coucher avec toi, en plus, il m'insulte. Connard! Il veut crever! Mais quoi, connard? Là, qu'est-ce que tu veux, là, grosse merde, va? Putain, dis-moi où c'est qu'il est, là, dépêche-toi. Oui, c'est ça, va te reculer, fils de pute. Quoi? C'est bon, fils de pute en plus. Oh, fils de pute. Enculé. Enculé, je vais te crever, si je vais venir. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Mais c'est toi, le... Oh, mais c'est quoi ces voix de merde, là? Putain, mais... C'est combien, cet appartement-là? J'ai pété un câble. Bien niquer ta mère, si tu veux. Ma mère, mais cette espèce de fils de pute, toi, ta mère. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère, si tu veux. Ta gueule, putain, je vais te crever. Mais c'est toi, le connard, là, c'est dire. Non, je me calme pas. Oh, il insulte ma mère. D'où c'est qu'il va insulter ma mère? Oh, c'est pas moi, c'est un pote, là. Oh là là. Mais ferme ta gueule, je vais tous vous enculer. Je m'en bats les couilles, là. Je vais monter, je vais tous vous enculer. Ouais, il est bête, ouais. Mais toi, t'es pas bête, peut-être, c'est sûr. Tu vas cabosser ma femme, mais t'inquiète, je vais te cabosser avant. Eh, Maëva! Tu n'auras pas le temps de toucher. Eh, passe-moi le téléphone. Bon, attends, je te le passe. Attends, ouais. Et va me chercher à bouffer, là, j'ai la dalle. Ouais, en plus, mais c'est tout à coup. Bon, va me chercher à bouffer, ouais, dans l'armoire. Ouais, ouvre tes yeux cette fois-ci, hein. Que je dois pas commencer à m'énerver à nouveau, hein. Possible, hein. D'accord, t'ouvres les yeux là, d'accord. Oh, oh connard, oh Michel, mets les couilles là. Maëva, oh, mais t'es sérieux, ouvre les yeux, c'est devant toi là, oh là là. Putain, oh, heureusement qu'on se marie pas nous, hein. Parce que putain. Il y a trop de choses. Passe-moi Maëva, là, dépêche-toi, toi, espèce de grosse merde, là. Passe-moi Maëva. Bon, je suis là. Toi, t'es là. Attends, j'ai un ami qui veut dire un truc. Vous êtes combien là? Bah on est 6. Vous êtes 6, barjou, mais vous êtes 6. Ouais, on est 6. Mais je vais tous vous enculer un par un. Mais bah un dis par donc, un, je croyais que c'était moi le PD. Mais ta gueule, putain, j'ai enculé, tu comprends pas que je vais te casser les dents, tu comprends pas ça? Ah ouais, mais à ce moment-là, c'est pas le même, c'est sûr. Ça c'est avant et arrière, enfin bon, c'est bon, bref, une histoire. Ouais, ferme ta gueule. Non, parce que, enfin, bon, bref. Attends, j'ai un ami qui veut te dire encore un truc. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Ah mais vous êtes fou, waouh, fils de pute, mais moi tu connais pas ma vie, tu connais pas ma mère, putain, c'est ma mère, gros PD, toi le fils de pute, là. Non mais je vais te crever, mais franchement je m'en bats les couilles, je vais mettre à tous, je vais vous faire. J'ai pas que ça qu'à foutre. Ouais, j'ai autre chose à foutre, moi aussi. J'ai pas que ça qu'à foutre. Ouais, mais t'inquiète pas, je vais te crever. Connard, va. Mais ta gueule, toi, espèce de PD, là. Mais si, je vais monter à la voiture, je vais monter à Toulouse. Bon, et comment tu t'appelles? Ta gueule, t'as pas savoir comment je m'appelle parce que je te le dirai en face quand j'appelle. Maïva, comment il s'appelle ton mec? Nicolas. Ah, Nicolas. Tu vois, c'était pas compliqué, hein. Bon, ta gueule, ferme ta gueule. Nini. Ouais. Oh, c'est rien, Coco, là, t'inquiète pas, ouais, là, c'est... Tu vas vite oublier. Mais tu me le diras en face, c'est un espèce de PD, c'est un homme qui me dira en face, tu vas prendre un coup de boule. Oh, Nini, reste calme, c'est rien, ouais, là, ouais, oh là là. Tu sais quoi? Pour me faire pardonner, je vais te filer la PlayStation que j'ai chez moi, la PS3, comme ça, tu l'as. Mais j'en ai pas besoin, ta PS3, de merde, c'est rien, tu vas faire d'accord, pour ça, je note. Ça, je note pour plus tard. Ouais. S'en fout de la PS3. Voilà, ouais, je mettais FIFA aussi, pas bon. Ouais, tu joues à FIFA ou pas, toi? Ta gueule, je peux pas te parler, toi, passe-moi ensemble. Ah, parce que sinon, on aurait pu faire un petit battle, j'aurais pu jouer ensemble, on aurait joué en ligne. Tu, je me connecte maintenant, on peut jouer ou pas? T'inquiète, mais oui, t'inquiète, de toute manière, tu pourras plus parler, tellement t'auras plus besoin. Ouais, bah tant que tu me laisses mes doigts après, c'est principal, comme ça je peux l'utiliser avec Maïva. Ouais, t'inquiète, tu vas l'utiliser avec elle. Bon, Maïva! Qu'est-ce qu'on aura passé là? Qu'est-ce que tu... Je te le repasse. Bon, bah dis-lui, dis-lui que c'est trop tard, quoi. Allô, Christian. Des personnes m'intéressent, j'ai pété un câble, je vais monter à Toulouse. De toute manière, je vais monter à ma voiture. Non, mais d'abord, je sais ce que j'ai à faire, et après... Oh, Nico! Nico! Hé, Nico! Hé, regarde! Hé, j'ai mon lance-flamme, je te le mets dans la gueule! Lui, tu fermes ta gueule, là! Tiens! Quoi, tiens, qu'est-ce que tu fais, là? J'ai un lance-flamme et j'ai même prévu un fouet pour Maïva. Merde. T'as un lance-flamme. Espèce de grosse merde, c'est sûr, tu veux même pas te battre avec les poings, hein. Ah non, moi je prends les fouets, je préfère. Ah ouais, prends les fouets, mais t'inquiète mon pote, mais je vais te crever, mais un truc de malade. Bon, moi je vais regarder la télé, hein. Tu me connais pas, sûr tu me connais pas. Ah ouais, c'est vrai, vas-y, fais le malin. T'inquiète, je vais monter à Toulouse, mon pote, je vais te trouver, je te le dis. Direct. Non, je me calme pas, qu'est-ce que tu me dis de me calmer? Mais si, tu vas dire... Alors, Nico avec... Oh, Nico gueule, toi, tu parles pas à toi, ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. Putain. Mais arrête de gueuler, espèce de gros connard, là, passe-moi en forme. Nico, bon, je vais te dire un truc. Mais oui, ferme ta gueule, mais non. Parler, toi, allez. Nico, excuse-toi. Non, mais c'est à moi de m'excuser, mais sérieux, lui, il est fou. Vas-y, bon, excuse-toi et je te dis un truc qui va te faire plaisir. Ouais, c'est ça, foudre au cul, c'est bien. Mais non, mais excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Excusez de quoi? Mais va te faire foutre, toi. Excuse-toi. Passe-moi ma femme. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Ta gueule, passe-moi ma femme, dépêche-toi. Ça va être dur. Excuse-toi et je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Ta gueule, passe-moi ma femme, dépêche-toi, là. Putain. Il est malade, il est con, il est fusé, on connaît pas. Arrête de gueuler, qu'est-ce que t'arrives de gueuler là? Bah non, mais je veux que tu t'excuses. Mais m'excuser de quoi? Il y a quoi m'excuser? Bah dis juste, je m'excuse. Je m'excuse. Non, toi tu t'excuses déjà d'avoir insulté ma mère, espèce de gros pédé. C'est pas moi. Et de deux, après je vais monter à Toulouse, je vais t'enculer, toi. Ça te fait bizarre, je te l'ai dit. Donc t'as des problèmes avec ça, hein. Bon, Maïva, bah dis-le lui, puisque à moi il veut pas m'écouter. Bon, bah bébé, c'est pas vrai tout ça. Quoi, c'est pas vrai? Il était sur Fun Radio. Ouais, ça va. Nico, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Mais maintenant, c'est foiré, quoi. Bon, par contre, c'est Toff qui a insulté ta mère. Hein. Si tu veux venir lui péter la gueule, vas-y. Hein. C'est Toff. Ouais, voilà, c'est Toff. T-O-P-H. Voilà, c'est ça, tu peux venir, y'a pas de problème. C'est pas moi qui ai insulté. Mais c'est pas moi, regarde, c'est lui, regarde. Connard, va. C'est des sons, là, c'est la télé. C'est vraiment plus fort le coup. Voilà. Bon, ça va, ça va soulager quand même là. Ouais. Soulager. Ouais, ça va commencer à redescendre un peu. Arrête de crier. Bon, c'était parce que j'avais une PlayStation 3 à te filer, une toute neuve là, mais t'en veux pas apparemment. Ouais, j'en ai déjà une, mais bon, après voilà. Ah bon, mais si t'en as une, alors on va la garder. On va essayer de trouver un autre cadeau alors. Bah oui, on va. Mais pas après, en fait, c'est pas moi. Bah écoute, je sais pas, on va voir au standard si t'en as déjà eu, on va essayer de te filer un autre truc, alors c'est pas un problème. Bon, du coup, Maïva et Nicolas. Ouais. Allô. Merci beaucoup. Merci d'être passé, et puis bon mariage. Ouais, bon mariage. Merci. Soyez beau. Okay, voilà. Eh, Nico. Ouais. On a invité au mariage ou pas? On verra. Ah bon, oh, Nico. Oh Nico, allez, fais pas ta pince là. On fait pour toi. Hein, fais pas ta pince. Mais Eva, elle est d'accord. On va acheter du riz et on va manger des dragées. On lui mettra une cartouche avant le mariage. D'accord, on verra. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas tous les deux. On embrasse tout le monde à Toulouse. Salut, salut. Salut. Ah, et puis il y avait un message qui vient d'arriver aussi là. Faites-lui le goal. J'ai pas pensé pour le goal. Ça aurait pu être pas mal. Ouais. Anthony qui dit ça, c'est le chéri. Ce chéri, je peux te faire cocu, juste magique. Il y a Rock'n'Roll aussi sur Twitter qui dit mort de rire, excellent chéri, je peux te faire cocu. Jason qui dit j'ai compté, t'es mort à peu près 26 fois, à peu près un truc comme ça. Eric qui dit sa vie au concours d'insultes. Ah bah c'est lui qui a commencé, c'est pas moi. Et Julien qui dit Mickaël, je suis mort de rire. Oh my god, t'es cinglé, je me pisse dessus tellement je ris. Oh ça va. Oh hey hey hey oh bon allez, on se fait le son de Lady Gaga avec applause et puis on essaie de trouver une nouvelle poitrine pour Toff. Cool. Parfait. Et on va récupérer Anthony, Amandine et Virginie. Tout ça, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Bonne soirée. Oh qu'est-ce qu'on s'est barré avec le chéri, je peux te faire cocu à l'instant là. Si vous l'avez raté, on vous le remettra demain si vous voulez là, n'hésitez pas, il y a un message aussi qui est arrivé qui dit Emeline qui dit pam pam, je te mettrai bien une petite cartouche. Ah bah écoute, oui, tant qu'à faire. Randolph qui dit énorme ce soir comme d'hab, continue comme ça, vous déchirez la goal. Eh bah oui Randolph, je cherche toujours des gens pour m'affronter. Jonathan qui dit mort de rire, trop bon le chéri, je peux te faire cocu, je me tape des grosses barres. Les cris qu'il pousse, c'est violent quoi, ça fait du bien de rire comme ça. Et puis Aurélien qui dit mort de rire, le gars il va tout péter. Et alors Someone Tinker sur Twitter qui dit c'est la fin, je meurs, adieu. Ah mais non, on nous quitte pas là, on est encore là pendant 30 minutes là, reste avec nous. Ah bah tiens, il y a Alvin qui est avec nous pour tenter de me battre au goal là. Salut Alvin. Où sont les chipmucks? Comment ça va? Oula, on t'entend mal Alvin hein. Ça va être dur de faire le goal là. Alvin? Ouais. Ah ça va mieux là. Bon Alvin, ouais, il faut battre 22 secondes, c'est mon record. Ouais. Tu crois qu'il va le battre? Alors on va essayer un petit peu hein. C'est bien, tu es humble. Tous ceux qui sont arrivés en disant ouais moi je vais te battre, tu vas voir, ils sont tous pris une tôle hein, donc 21 secondes alors que j'en ai fait 22. Ça c'est joué à pas grand chose, c'est vrai. Oui, oh, mais c'est compliqué meilleur. Quand même hein. Ah mais franchement ouais, moi-même je trouvais ça compliqué. J'ai dit au début à Toff, je dis ouais mais moi je vais le battre. Et ouais, mais tu vas essayer en criant. Bon, finalement j'y croyais pas, je croyais pas le battre, finalement j'ai quand même réussi. Je failli décéder, mais j'ai quand même réussi. Bon. On va y aller, Alvin, le but, bah, tenir... Moi aussi, je vais décéder. Hein. Bah ouais, mais toi, c'est pas grave. Je plaisante. Bon, on y va, Alvin, tu dois crier goal comme si t'étais dans un stade et que ton équipe favorite a mis un but. T'es fan de quelle équipe, toi? Bah l'OM, hein, l'Olympique de Marseille. Ouais, l'Olympique de Marseille. Ils sont vraiment forts en ce moment. Hein. Ah, bon, si, ça va bien, ils ont perdu une fois sur tous les matchs. Une fois. Bah eux, promu, t'as vu l'équipe qu'ils ont, t'es ouf ou quoi? Comment t'expliquer qu'ils ont dépensé plus que tu n'auras jamais dans 17 vies? Mais j'y connais rien, moi, je fais semblant. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'ils ont acheté beaucoup de gens. Bon, on y va. Alors attention, Alvin, il faut que tu cries goal, donc 3, 2, non, pardon, le but c'est que tu fasses plus de 22 secondes, c'est-à-dire le record que j'ai fait. 3, 2, 1, go! Go! 5. Ça va pas aller très loin ça. Non. Il a pas assez inspiré. Ouais, pas de souffle. 10 secondes. Grosse balle fringue. Oh stop, Alvin. Alvin, les chipmucks sont là. Eh Alvin, t'es sérieux là? Tu t'es inspiré en plein milieu? Ah, je sais pas, moi, c'est pas rendu compte. Ah bah, il faut pas. Mytho, va. Non, c'est vrai, il a pas fait gaffe, peut-être. Je soupçonne, il est dopé. Ouais, je pense, ouais. En plus, il est mauvais dopé puisqu'il arrive même pas à faire 10 secondes. Alvin, viens pisser dans le pot. Oui. Alvin, t'en la joues? Ok, je l'attends. Voilà. Aïe. Tout ce que tu mérites. Oui, c'est tout ce que tu mérites. Je peux faire une petite dédicace avant de partir? Allez, vas-y, bah, une seule personne, tu connais la règle. Ok, petite dédicace à Camille. Hein. Très bien. Écoute, là. Elle t'a envie de la pécho, Camille, c'est ça? Non, c'est un pote. Ah, c'est un pote? Bah, t'as envie de le pécho quand même? On sait jamais. Bon, bah, Alvin, tu rentres quand, toi, au bahut, là? Demain, après-demain? Non, jeudi. Jeudi, bah, tranquille. Oublie pas de prévenir tes potes, hein. Premier truc que tu veux leur dire, là, c'est qu'il se passe enfin un truc sur Fun le soir. Hein. Enfin, c'est ouais, pas qu'il se passe enfin, c'est qu'il se passe dorénavant un truc sur Fun le soir. À partir de 23h. Et pendant, dans la classe, tu prends la parole, tu dis eh les gars, ce soir, paf. Exactement. D'accord. Et si vous filmez en faisant ça, on n'est pas à l'abri de vous offrir des cadeaux là. Ah bon. Quand vous êtes devant la classe. Mais attention, il faut qu'il y ait quelqu'un qui filme. Il faut quelqu'un qui filme au fond de la classe, ouais. Hein, pour qu'on voit vraiment toute la classe, le prof et tout le bordel, d'accord? Vas-y, si je le fais, j'ai le droit à un petit cadeau. Promis, t'inquiète. Promis. Tout neuf. Exactement, je te file. Voilà, qu'est-ce que tu penses de si je t'offre un paquebot? Pas de soucis. C'est pas mal ça, non? Je t'offre un bateau. Hein, avec l'équipage. Mais... La croisière s'amuse. Bon, salut Alvin, passe une bonne soirée. Hein. Enfin, bonne nuit même plutôt. Aussi. Ciao. Vincent. Oui. Bon, comment ça se passe là en termes de route là pour ceux qui... Quoi? Je suis arrivé. Ah ça y est, t'es arrivé parce que Vincent nous a appelé il y a une heure parce qu'il avait peur de s'endormir, donc il voulait qu'on l'appelle de temps en temps. Et à un moment on t'a perdu, on a eu peur, qu'on a cru que t'étais mort. Oui parce que ça passait mal. Ah ça passait mal, d'accord, ok. Bon, tu t'es fait arrêter par la police ou pas? Ça passait mal. Bon bah très bien alors. Bon bah t'es arrivé à destination donc tu vas nous lâcher comme des merdes quoi. Bah non, je vais pas rester. Ah tu vas quand même rester à l'écoute jusqu'à 2h. Bah, en même temps il reste 20 minutes hein. Bah, il reste 20 minutes mec, tu vas quand même pas nous lâcher en plein milieu alors qu'on est resté avec toi. Ce que je voulais te dire c'est que demain matin je passe avec Bruno normalement à 6h15. Bah parfait, parfait, tu seras complètement dégommé pour lui, il sera au taquet, t'inquiète pas. Lui-même il sera là, ok mec, t'inquiète pas, que je suis en pleine forme. Voilà, tu vas voir hein. Tu lui dis que t'es resté avec nous jusqu'à 2h, d'accord? Ça lui fera plaisir. Il fera des bisous pour nous. Exactement, ouais, tout à fait. Et tu dis que Toff a dit que c'était un gros connard. D'accord? Et tu lui dis qu'il l'attend demain à 14h devant la radio. Dis-lui que si c'est un homme, qu'il vienne. À la récré, voilà. Il va lui faire la gueule à la récré. Voilà, dis-lui que Toff a dit que c'était un gros connard et qu'il a envie de lui péter la gueule. D'accord? À la récré. Voilà. À la radio, je lui dirai. Bon, bah, je compte sur toi, hein. Passe le message, hein. Pas de problème. Bon, parfait, très bien. Donc dis-lui bien qu'il a envie de lui péter la gueule, qu'il a dit que c'était un sale con et tout. Enfin voilà, tu l'insultes. Il dit que voilà, Toff l'a insulté quoi. Ok. Bon, je compte sur toi, Vincent. Bon, allez, à demain, Vincent. Enfin, à demain, on verra. Demain dans le morning quoi. D'accord? À demain, ouais. Salut, c'est Vincent. Possible, c'est possible d'avoir un pack-fan ou ouais, bah tu demanderas à Bruno, tiens. Ouais, son émission la plus de budget, il en a plus. Voilà, il y a plus là-bas, ouais. Ils sont 15 hein. Tu demanderas là-bas, ils sont nombreux. Hein. T'inquiète pas, va. Ce que chez Bruno, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui fait les enveloppes, l'autre qui écrit, l'autre qui met l'enveloppe, l'autre qui prend l'enveloppe, l'autre qui lèche l'enveloppe pour coller, l'autre qui va descendre pour la mettre à l'autre. Il est radin, Bruno. Mais non, il est pas radin. Ouais, tu parles pas comme ça de Bruno, pète la gueule. Dis-lui que Toff, il a dit que c'était un gros connard et qu'en plus, t'es un gros radin. Ok, j'irai. Bon, très bien. Allez, salut Vincent. Salut. Allez, ciao à toi Vincent. Bon, on va essayer de trouver des nimbars à Toff là. Hein. Allez, on y va. Puisque apparemment, il y a un nouveau truc là pour un style de My Major Company en fait où on peut investir dans les seins des meufs. C'est cool ou des mecs éventuellement. J'aime bien l'idée. Bah voilà, j'imagine bien. Et donc on va appeler maintenant pour essayer que tu puisses trouver une poitrine. Voilà, une belle poitrine. Voilà, merci aux auditeurs qui ont balancé leurs numéros, des numéros de gens qui connaissaient qui étaient encore debout à cette heure-ci puisque forcément, il est un peu tard. On y va, 1h36, prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Ready, man. On y va. Ouh là, ça gueule. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que t'as pris? Oui, bonsoir, monsieur. Eh ben. Oui, je m'excuse de vous appeler aussi tard, hein, mais voilà, en fait, je voudrais me faire faire une augmentation des seins. Hein? Non, je voudrais avoir des seins plus gros. Fous-moi la paix. Ah, il y a eu du mal à trouver le téléphone. Attends, on va le rappeler quand même, hein. En plus, j'avais l'air en forme, là. À mon avis, il doit regarder la télé. Quand on me rappelle. Fous-moi la paix, je dis. Mais oui, mais on a été coupé, monsieur. Moi, je voudrais que vous me fassiez un petit don pour mon augmentation mammaire. Pourquoi? Pour augmenter mes seins, pour qu'ils soient plus gros. Fous-moi la paix, je suis dans un hospice. Oh, bah oui, bah il décroche à cette heure-ci, il est quand même fort, lui. Bah oui. Bah oui, bon, on va rappeler quelqu'un d'autre, alors, du coup. Hein. Bah oui, allons-y. Allez, c'est parti, on rappelle quelqu'un d'autre, là. C'est reparti. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour monsieur, vous êtes qui là? Oui, je suis Toff là. Hein? Je dis je suis Toff. Vous êtes qui là monsieur là? Je suis Toff monsieur. Excusez-moi, bonsoir. Là tu demandes 15 fois qui est là et bon on le rappelle, à mon avis il a du mal à comprendre. Bah il est tard hein. Ouais il est très tard. Voilà. Allô? Oui excusez-moi monsieur, on a été coupé. Oui mais monsieur, vous êtes qui là? Mais je suis Toff, je n'arrête pas de vous le dire. Monsieur, je vous connais pas. Mais non, on ne se connaît pas, je vous appelle parce que je veux me faire faire augmenter les seins. Et du coup, je me demandais de si vous... Vous êtes là? Pardon? Vous êtes qui? Je vous suis... Vous n'avez pas que j'ai écouté, je suis en Italie, moi, ici. Salut, hein. Il est quoi, il est en Italie? Qu'est-ce qu'il raconte? On le rappelle. Dernière fois. Oui, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben en fait, je voulais savoir si vous voulez m'aider à financer mes faux seins. Parce qu'en fait, je voudrais me faire poser pas des... Pas faire foutre, espèce de con, je te connais pas, espèce de con, t'es... On est à Charleroi, je crois, là, non? Bon, enfin, cool, là. Ah oui, je pense qu'on est à Charleroi. Bon, on a... c'était un téléphone, c'était un mobile. Ah, d'accord, ok. Bon, enfin, on l'a vu l'accent, je pense qu'on était par là, ouais. Bon, ben, on essaiera d'appeler encore avant 2h du mat, là. Si vous avez des numéros à nous donner. Là, bon, Ah, de quoi, encore un? Ah, un petit dernier. Bon, là. Allez, vas-y, on bah appelle non, encore un autre. Non, bah vas-y, vas-y, c'est bon, allez. On appelle maintenant, on y va. Parce qu'après, si on n'a plus le temps, ce serait dommage. Bon, allez, hop. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui? Oui, je vous appelle parce que, en fait, voilà, je cherche un financement pour ma nouvelle poitrine. Ah, allô, pardon? Non, je dis, je vous appelle parce que je cherche un financement pour ma nouvelle poitrine. Pour votre? Ma nouvelle poitrine. Mes nouveaux seins. Et qu'est-ce que vous voulez? Bah en fait je voulais savoir si vous voulez participer pour que je puisse m'acheter des nouveaux seins quoi. Ah oui bien sûr. Vous tout à fait normal. Ah c'est vrai, vous allez faire un don alors? Ah oui tout à fait oui. Ah c'est gentil monsieur. Ah mais je vous en prie, attendez, c'est tout à fait normal. Bah oui, mais vous savez les temps sont durs, alors forcément comme je voulais m'en faire une nouvelle poitrine. Oui je comprends. Oui. Bon alors je vous donne mon compte PayPal. Ouais. Hein? Donc c'est tof. Ouais. At. Ouais. Gmail.com. C'est noté. Voilà. Vous avez combien? Vous, ce que vous pouvez, hein. Voilà, l'opération c'est 3000, donc si vous pouvez faire un petit geste, ce serait vraiment sympa de votre et part. Et pour 6000, vous avez les deux? Ah oui, pour 6000, j'ai les deux, oui. Ah bah, 6000 alors, c'est bon. Oh bah, monsieur, vous êtes trop gentil, échec. Monsieur, mais je vous en prie, voyons. Ah, vraiment, c'est vraiment très aimable de votre part. Et pour 9000, pour un petit trou de balle en plus, non? Bah, je sais pas si vraiment j'oserais vous demander, quoi. Ah, bon. C'est. Parce que ça me gêne d'abuser de votre générosité, quoi. Oh, bon, écoutez, hein. Après, on vous envoie dans le marais pour 9000. Oui. Comme ça, vous faites bien niquer, hein. D'accord. Ah, merde, il est parti. Ah, il est bon, celui-là. Ouais, putain, il était pas mal. Il est vénère, à cette heure-là. J'adore. Il était pas mal. En fait, il faut savoir qu'on les appelle un peu à l'avance au standard. C'est pour ça que le mec, il a décroché directement. Donc, et c'est pour ça qu'il était un petit peu sur les nerfs. En plus, je crois qu'on a. Je crois qu'il avait un petit. Ah ouais, c'est possible aussi ça, effectivement. Réveiller. Tiens, il y a Nadia qui dit il n'y a que l'émission le Mickaël No Limite là peut offrir le Pacific Princess, la classe. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Et Vanny qui dit la vieille vanne de Polo, j'ai un peu honte de rire. Qu'est-ce que t'as fait? C'est honte de les rire. Chipmunk. Ah, les chipmunks, ouais, exactement. Ouais. Et les mignons, ils sont où? Bah, ils sont dans ton cul. Quoi? Non, c'était une vanne, c'est pas la peine non plus de oui, c'est pas la peine d'en arriver là. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un message d'Adou qui dit « Il pète un plomb le gars ». Ah oui, ça c'était par rapport au chéri, je peux te faire cocu. Et nous allons accueillir maintenant, eh bien, Amandine qui est avec nous là du Nord. Bonsoir Amandine. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors Amandine, dans un instant on va parler de quoi avec toi alors? Donc en fait, moi, je suis là avec une amie actuellement ce soir, parce qu'en fait, comment dire, on s'entend super bien toutes les deux, et en fait, on a attiré toutes les deux par le même gars, et en fait, on voudrait faire un plan cul avec lui. D'accord. Bon, très bien. Bah, écoute, j'ai envie de dire... Mais en fait, après, on a besoin de votre aide, en fait, pour avoir un peu plus de conseils, parce qu'enfin, on ne sait pas comment lui dire qu'on veut faire un plan cul avec lui. Bon. Mais avec la copine, vous vous êtes déjà brouté de minou ou pas? Non. Oh. Commencez peut-être par là. Peut-être. Bon, alors, bouge pas de là, Amandine. En direct. Bouge pas de là, on va en parler dans un instant là. C'est juste écouter le son de Calvin Harris en attendant avec I Need Your Love. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio avec le son de Calvin Harris à l'instant, c'était I Need Your Love. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous avez encore fait les couilles longtemps, là hein. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Techniquement, jusqu'à 2h du mat, quoi, ouais. Minimum, a priori. Hein, donc, ouais, c'est un petit peu comme ça que c'est prévu, quoi. Ta mère, t'as compris? Ouais, oh, bon, ouais, ça va, t'énerve pas non plus, hein, on est tranquille. Bon, ce soir, n'oubliez pas, hein, je l'ai oublié hier, mais je vais vous la mettre ce soir, la petite chanson générique de fin, là. Ferme ta gueule de merde. Toi, l'enculé. Tu l'enculé. Hop, on aura la suite tout à l'heure. Et puis, c'est aussi, du teasing ça. Ah ouais, il y aura Kalan qui dit comme quoi il y en a qui ont le sens de l'humour. Trop drôle le mec qui gère avec son chèque de 9000 euros. Et Let's Be Freaks qui dit les deux copines elles veulent un plan cul avec le mec qu'elles kiffent toutes les deux, mais elles savent pas si le mec les kiffe, c'est chaud. Oui, bah justement, on va en parler dans un instant. Et Poupoulinette qui dit aussi on se réunit pour faire une Saint-On pour Toff. Allez, encore 6000 euros ou 9000 avec l'option trou de balle. Oui, bah oui, parce que maintenant qu'on lui en a parlé, il la veut, hein, l'option trou de balle. Hein, ah bah ouais, attends, ça c'est sûr. Et Arthur qui dit non, c'est bientôt fini, la fin du pipeau, du lance-flamme, un peu de pelle pour finir et pour finir Stromae avec Animals. Oui, tu mélanges tout toi Arthur. Hein. Mais par contre, dans la gueule de Toff, on peut le mettre. Ça c'est bien ça. Voilà, ça y a aucun problème, hein, c'est toujours un grand plaisir et vintage, et un coup de pelle également. Bon, mal. Amandine et Virginie, vous êtes là les deux filles là? Oui. Oui, on est là. Parfait. Permettez-moi de faire connaissance. Amandine, combien mesures-tu? C'est une première parce que toi, tu vas faire une doublette là. Oui. Alors Amandine, combien mesures-tu? Je mesure 1m68. Combien pèses-tu? 68 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 70. Non, 40. 40. Virginie, combien mesures-tu? Allez, attention, c'est la doublette. Ah, il est content, hein? Ouais, grave. Virginie! Oui, je suis là. Combien mesures-tu? 1,74. Combien pèses-tu? 85. Ah oui. Quel est ton tour de poitrine? Oh là là, 95C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 44. 44. Écoute, je vais prendre Amandine. Mais quelle connasse. Mais est-ce que t'as vu ta gueule? Ah oui, ça, j'ai vu, à force de prendre du lance-flamme et de la peine. Ah bah ouais, bah d'ailleurs, je t'en remets une, tiens. Ça se fait pas, ça. Quel connard, alors. Quel connard, celui-là. Bon, alors, Virginie et Amandine. Oui. Bon, donc, vous êtes toutes les deux en kiff sur un seul mec, c'est ça? Ah ouais, ça. Et alors, pour résumer la situation, donc, vous ne savez pas si le mec est intéressé par l'une ou l'autre. Voilà. Voilà. Et à côté de ça, vous avez envie de tenter le plan à 3. Voilà, exactement. C'est avec Toff. Mais vous vous êtes pas dit à un moment que c'était peut-être plus judicieux de d'abord, je sais pas, se rendre compte s'il était intéressé par au moins l'une ou l'autre, voire les deux. S'il est intéressé par les deux, bah là, c'est du pain béni. Il a déjà été un peu intéressé par Virginie, hein. Un peu, voilà. Comment ça un peu? Soit t'es intéressé, soit tu ne l'es pas. Des Virginie apparemment l'aurait déjà tué. Elle aura quoi? Elle aurait déjà sucé, Virginie. Ah. Alors, Virginie. Oh, oui, c'est vrai, j'ai déjà pompé, ouais. Non. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu comprends? Tu me dégoûtes. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Bon, on va peut-être pas être profonde, hein, comme Amandine, hein. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ça balance. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mes chers amis, la poésie est avec nous ce soir. Oui, là, on est pas mal, effectivement, à ce niveau-là. Et on dit que je suis crade. C'est ça. Bon, et donc, du coup, donc tu l'as déjà sucé. Bon, bah, nous voilà rassurés. Voilà. Voilà. Et, pourquoi vous avez pas tenté la. Pourquoi vous avez pas été le voir et pourquoi vous lui avez pas proposé? C'est quoi votre problème? Bah, on sait pas comment. Comment aborder le sujet. Bah, alors, t'arrives avec ton bateau. Et tu lui demandes. Non. Bah si. Bah tu veux qu'on l'appelle? Je pense que dans le Nord, ils arrivent plus souvent en mobylette qu'en bateau. Ouais. Y'a pas de soucis. Ouais, c'est ça, on peut l'appeler quoi. Tu me dégoûtes, est-ce que tu comprends? Tu me dégoûtes. Mais non, arrête un peu ton cinéma là, tout de suite ce cinéma là. Bon, et il s'appelle comment le mec là? Ludovic. Il s'appelle comment? Ludovic. Ludo, d'accord, ok. Bon, on l'appelle, vous lui parlez ou je lui parle? Vous le premier, s'il vous plaît. Vous, moi, c'est très bien. Pardon, excusez-moi, à toi le premier. Ah non, tu me vous vois, maintenant t'as démarré comme ça, tu me vous vois. Juste, on arrive en scooter ou en paquebot? Écoute, le paquebot, là... Excusez-moi, mais là, à Venel, ça dirait énormément qu'un paquebot arrive. Bah d'accord. D'accord, ok. Alors moi, je monte sur le scooter avec Polo, là. Mais... Voilà. On est pas mal là. Ah ouais, c'est du beau scooter. Hein. Tu sens qu'il y a du tuning dans le Nord. Oh là là, et puis après, on sent qu'il y a des chevaux aussi dedans. Hein. Oh là. On sent qu'il y a du cheval. S'il y en a un, hein, attention, faut quand même pas déconner. Bon, alors, on va l'appeler maintenant, c'est parti. T'es sûr qu'il va décrocher à cette heure-ci? Vous êtes sûr qu'il va décrocher, les filles? On ne sait pas. Bon, ne dites rien, je vous prendrai quand j'aurai l'occasion. Enfin, je vous prendrai à l'antenne, hein. N'imaginez pas autre chose. D'accord. Ouais, moi, je prends qu'Amandine, hein. J'ai prévenu. Allez, on y va. Merde. Putain, elle est en panne. Elle démarre plus. Ah, elle veut plus démarrer, hein. Attends, je réessaye. Refais un petit kick là, tu sais. Vas-y. Merde. Bah non, elle veut plus, hein. Je vais me démarrer. Allô? On est parti. Ah mais c'est pas... Ah, ça y est. Ça y est. C'est là qu'on est parti. Allô Ludo? Allô? Oui bonjour, est-ce que je pourrais parler à Ludovic? Ah, vous rendez compte quelle heure il est là? Ah mais il est un peu tôt, je sais, oui. Un peu tôt, non? Enfin, par rapport au matin, je parle, mais c'est parce que c'est important. Vous êtes sa femme? Je suis sa mère. Ah, excusez-moi de vous déranger. Là, il dort actuellement? Ah oui, il dort. Ah, je suis désolé, je pensais que c'était son téléphone portable. Ah non, il dort, il est 2h du matin. Bah oui, oui. Bah écoutez, alors je le rappellerai demain soir. Si je l'appelle vers 11h, ça sera pas trop tard ? Vers 11h. 23. Oh, 23h. 11h PM. Bah oui, il a appelé les heures 23. D'accord. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé, madame. C'est de la part de qui ? C'est Mickaël. Ah bon ? Mais je le rappellerai demain. Excusez-moi de vous avoir dérangé, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. T'es gentil, moi je m'en. Hey, franchement, moi j'ai un mec qui. Je le démonte, je lui pète sa gueule. Ah, est grave. Bon, bah du coup, je m'en fous, je me casse. Hein. Voilà. Moi je suis reparti. Hein. Bon, on est revenu à Paris là. Bah ouais. Bon, Amandine et Virginie. Ouais. Bon, on va le rappeler, mais demain, mais à 23h, comme ça il sera debout. Là. Vous avez pas son téléphone portable ? Si, je bah parce qu'on va le faire demain, parce que de toute façon il roupille, donc ça sert à rien, il va pas calculer. Mais si on le fait demain à 23h, ça va ? Pas de soucis, y'a pas de soucis. Bon bah on fait comme ça alors. Enfin vous me connaissez, je dis 23h, c'est 23h01h quoi, quelque part. Ouais. D'accord. D'accord. Avant 2h demain quoi. Avant 2h, ouais. Qu'est-ce qui se passe, Virginie ? C'est possible d'avoir un petit truc en... Tu veux un scooter ? Ou un paquebot ? Non, j'en ai pas besoin, ça. Ah, t'as pas besoin de scooter, mais sinon... Un paquebot pour Virginie. Un paquebot. Ouais, parce que le scooter, c'est pas sûr qu'elle tienne dessus. Oh, attends, fais pas de temps. Bon. Non, mais c'est possible d'avoir un petit truc. Bah écoute, on va gérer ça, mais demain, Amandine et Virginie, si ça vous dérange pas, comme ça, ou comme vous repassez de toute façon demain. D'accord ? Ouais, oui, aussi, ouais. D'accord ? Oh là là. Ok. Bon, allez, salut les filles, hein. Il y a un appartement. Salut. Voilà, le débarrage est bon, là, on est pas mal. Tiens, il y a un message qui est d'Abby qui dit « Mort de rire, le petit wow après l'annonce du poids ». Ça ne se fait pas, ouais, je suis d'accord avec Abby. T'es arrivé avec ton bateau, Emeline, et tu repars avec ton scooter. Oui, ah ouais. C'est vrai, c'est un peu nouveau. Attention, le quoi. Scooter, en plus. Exactement, bah ouais. Et puis il a dit qu'il dit « J'ai essayé le goal chez moi, j'ai tenu 8 secondes ». Ah bah oui, mais ça, après... Bouffonne, c'est là. Ah ouais. Attends, parce qu'il y en a plusieurs là, qui sont arrivés, là. Il y a Gaël qui est avec nous, là. Salut Gaël. Salut, c'est pas Gaël, c'est Kyle. Ah, c'est Kyle, parce que dans le sonore, il y a son nom qui est mis Gaël. C'est pas grave. Salut Gaël, il m'a dit ça va. Bon, Kyle, alors toi t'as 28 ans, t'appelles du Pas-de-Calais, c'est ça ? Et vous trouvez pas que Kyle un peu en ce moment ? C'est drôle ça, dis donc. Oh là là. Je peux avoir un coup de pelle ? Oui, avec plaisir. Voilà, je t'en mets même une coup de... Voilà, exactement, je t'en mets un coup sur la gueule. Bon, un petit croquette ? Un petit quoi ? Croquette. Mais je l'ai pas encore, mon lance-roquette. On a pas. T'as un bazooka, un petit coup de bazooka. Ah, le bazooka, je peux, ouais. Allez, un petit coup de bazooka. Voilà. Voilà, t'avais mérité. Bah oui, là, il avait mérité, effectivement. Bon, dites-nous d'ailleurs si avant de partir, vous voulez qu'on vous remette encore un petit coup de showtech avec Booyah. Bon, il était tellement bien le son que ce serait dommage de partir sans le remettre, quoi. Donc si vous voulez le réentendre tout à l'heure, là, n'hésitez pas, dans moins de 5 minutes, vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter et on le remettra avec plaisir. Bon, tu voudrais qu'on le remette, toi, ou pas, Kyle ? Ouais, comme ça. Allez, ce serait pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, on verra ça. Bon, Kyle, alors tu vas essayer de me battre. Toi, il faut crier le plus longtemps goal. Moi, j'ai fait 22 secondes. Donc, goal comme si on était évidemment en plein camp, match. Au New Camp. Non, je vais pas là-bas, moi. je vais. Au Parc des Princes, alors, au Parc des Princes. Ouais, si tu veux, à la limite, je préfère. Après un but de jaler, on va dire. Ouais, si tu veux, ouais. Ou alors en Real, quoi. À la mi, ça va. Mais pas au Nou Camp. Bon, on y va. Kyle, t'es prêt ? Ok. Attention, okay, tu fais goal en criant bien fort, hein, d'accord ? Ok. Bon, le but, passer les 22 secondes, pardon, on y va. 3, 2, 1, go ! Go ! Ouh, il démarre bas. Il va pas tenir là. Non. Quoique. Ah non, 15 secondes. Kyle, t'as nous en fumer là. 15 secondes. Bon, c'est pas terrible. Attends, il y a Fabien qui est avec nous de Rouen. Salut Fabien. Salut. Ça va bien ? Bah, je suis désolé, hein. C'est le téléphone du camion. Hein. Non, mais c'est pas grave. Eh, fais péter le klaxon là pour voir là. Je te nique. Ouais, mec, c'est pas ton petit klaxon tout pourri là qui va faire le poids face au mien. Hein. Ouais, bah ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Bon, alors, Fabien, attention, donc Kyle a été très mauvais puisqu'il a fait 15 secondes, c'est le pire score de la soirée. Ah non, il y a eu 10 tout à l'heure. Ouais. Donc, Kyle, vas-tu tenter de battre ce goal qui faisait 20 secondes? Kyle, attention, c'est à toi. T'es prêt? C'est Fabien. Fabien, excuse-moi. 3, 2, 1, go! Pas mal, pas mal. 10 secondes. Pas mal. 20 et 1, 2, 3, 23 secondes. Bravo Fabien. Pas mal. Eh ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, moi aussi j'ai le mien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh le battle. Ah putain, le mien il est malade là. C'est scooter ça. Bon, Fabien? Oui. C'est presque gagné, mais pas encore. Il y a Lauriane qui est là également de Grenoble. Ah, une fille, parfait. Salut Lauriane. Salut. Comment vas-tu? Bien et vous? Bon, ça va bien, ouais. Salut Lauriane. Beauté. Bon, salut, t'appelles, beauté. T'appelles de Grenoble, toi, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, très bien. Bon. Je vais dire bonjour à Quentin et Mathilde. Ouais. Non, de Grenoble. D'accord, ok, Lauriane, bah, c'est fait. Mais alors, est-ce que tu vas tenter de battre le petit record de Gaulle, là? Bah on va tenter. Alors c'est 23 secondes, moi j'avais fait 22 et c'est Cal qui m'a mis ma race. C'est Fabien pardon qui m'a mis ma race avec 23 secondes, pas mal. Donc bah, Lauriane, je compte sur toi. Ok. 3. Alors. 2. T'es prête hein? Oui. Bon, 3, 2, 1, go! Go! Ah non non non non, Lauriane De toute façon, on ne rend pas bien loin. Ouais, ouais. Ah, pas loin. Pas mal, pas mal. Ça 26 dit. Secondes, c'est pas mal. Mais par contre, Lauriane, c'est pas homologué. T'as pas suivi la recommandation. C'est même pas une recommandation, c'est l'ordre de faire avec en criant comme si t'étais au stade. Et quand t'es au stade, quand ton équipe qui gagne, tu fais pas go. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, donc je peux pas le valider. Tu veux le retenter ou t'abandonnes? Ouais, allez, je vais le retenter. Bon, ben retente-le, mais en criant fort criant, comme si t'étais au stade, hein, d'accord? Bon. Comme si j'étais au stade. Allez, on y va, on recommence. 23 secondes, score à battre, t'es prête? Oui. Allez, attention. 3, 2, 1, go! Go! Voilà, ça va mieux, là. Bah, il est fatigué, là, évidemment. Hein. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes, presque 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 secondes. 32 secondes, oh putain. Combien? 32 secondes. 32 secondes. Ah ouais, mais toi t'es une dingue. Ouais, c'est le record. Non mais c'est pas ça, c'est qu'au début j'ai pas crié trop fort parce que je suis en résidence étudiante, que demain elles rentrent tous, j'ai dû réveiller tout le monde. Mais c'est parfait, c'est on les emmerde. Voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Eh, hey, dis-leur c'est la faute de Toff. Ah bah oui, c'est voilà. Ça, c'est toujours de ma faute. Voilà, oui, c'est ça. C'est la faute de Toff. Bah comme d'accord, ça, hop là, je lui remets une bonne dans sa gueule, tiens, voilà, tout simplement. Ouais. Bon, eh ben bravo, eh hey, hey, Fabien. Ouais. Elle t'a mis ta mère. Ah mais, ouais, d'une force, mais d'une force, tu te rends même pas compte comment elle t'a mis ta mère. Bravo. Grave. Ouais. Bon, Lauriane, du coup j'avais des stages là. Tu préfères quoi là? Pilote, genre un stage pour aller faire un peu de course de bagnole, un stage pour faire du parapente ou alors de la cuisine? Bah c'est une femme de la cuisine. Non. Je comprends même pas que t'aies proposé les deux autres. C'est ça, ouais, c'est ça. Du parapente. Du parapente, ça, oui, très bien, très bien. Bon, bah nickel. Attends, parce que Yatov qui voulait te demander un truc d'abord. Bien sûr, alors Lauriane, combien mesures-tu? 1m61. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. C comme c'est énorme. Ah oui, ça a l'air. Comme connard. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? C'est du 38. Mais oui, oui. Je veux bien venir parapenter avec toi. Je prends mon scooter, j'arrive. On va parapenter contre ton mur. Exactement, alors une seconde, je démarre mon scooter. Voilà, j'arrive. Salut, t'es pas là avant, je ne sais quand. Il arrivera jamais, Lauriane. Oui, j'en doute, c'est pas grave. Elle est de Grenoble. Ah oui, pas de problème. Ah ouais, donc t'as peu de temps avant d'arriver, hein. Ah oui, Grenoble, ouais, c'est pas mal. J'y repenserai cet hiver. Non, hein. Il a un peu de temps. Je t'appellerai quand il faut aller au ski. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, du coup, comme il vient de se prendre un râteau, là. Bah, je reprends le scooter et je rentre à la maison. Hein. Voilà, quelle horreur. Bon, bah, Fabien et Kyle, bah, merci de passer, les mecs, hein. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Y'a pas de soucis, ça roule. Ouais, Fabien. Ouais, j'ai une petite blague, là, pour toi. Oh putain, t'es sûr? Ouais, ça peut être ouais. Bon, bah vas-y alors. La différence entre une femme et un kawaii, vous la connaissez? Non. Quand ça mouille, on les enfile tous les deux. Oh là là. Je la replacerai celle-là, elle est pas mal. Mais à l'occasion alors. Hein. Bon, allez, Fabien, la bonne soirée, hein. Et bonne soirée, merci beaucoup. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, eh ben une bonne chose de faite, tiens. On se remet le bouillard ou pas là? On se remet le bouillard? Ouais, on se remet le bouillard maintenant et puis on part juste après. Yes, ouais, 12h04, on a le temps, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il est bon le son de Showtech à l'instant avec bouillard! Eh ben voilà, passez une bonne nuit tout le monde là. On va se retrouver demain, nous, à partir de 23h. Et évidemment, je ne comptais pas partir sans vous mettre le petit générique de l'émission. Hein. Ouais. Attention, c'est parti! Ouais. Fais ta gueule de merde, alors. Seconde, reste calme. Tu fous tes bites, t'as fait sucer. Un enculé. Comme toi. Fais ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton oncle. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal, il est calme. C'est normal, il a une tête de con. Bon, et tof, évidemment, pas de vous, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez! L'enculé. Dans ta gueule de merde, toi l'enculé. Pour qu'il puisse te sucer, toi l'enculé. J'aime bien le mal à faire enculé. Et toi, t'as un enculé. Non, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est les enculés. Voilà, en toute simplicité. Bon, ben passez une bonne nuit tout le monde, comme disait. Et puis on se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Bah oui. Ça me paraît un bon plan ça. Salut tout le monde. Salut. Allez, ciao. Tous les soirs 23h 2h. Mickaël, KL, No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis on va se faire péter maintenant le son de DJ Antoine là avec Bella Vita et puis La Nuit Sans Pub aussi qui démarre maintenant sur Fun Radio là. Loupez pas tout à l'heure à partir de 6h, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Bonne nuit, à demain 23h, ciao. La Bella Vita.